France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Pour être rustres, ils sont rustres. Des rustos, des sauvages, des fossiles, des argousins, des ours de la pire espèce qui passent leur temps à se demander comment empêcher les femmes, leurs filles. Comment les empêcher de tout et comment les punir. Ces créatures qui les mettent dans l'embarras. Les enfermer? On veut tenir sa femme, on est traité de sauvage. On la laisse faire, on est un bonnet. Avant qu'ils ne se posent les vraies questions, avant qu'ils ne reçoivent les leçons qu'ils méritent, trois actes nous auront distraits, ainsi que furent distraits les auditeurs de France Culture le 13 octobre 1974, lors de la première diffusion de cette version des Rustres de Carlo Goldoni. L'ORTF et la Comédie Française vous invitent à écouter, sous la direction artistique de Jacques Régnier, Les Rustres de Goldoni, dans une adaptation de Claude Desprelles, avec le concours de messieurs Jean-Claude Arnaud Simon, Alain Pralon, le comte Ricardo, Louis Arbessier, Lunardo, Giorgio Doubert, Maurizio, Yves Pignot, Canciano, Bruno de Volder, Filippetto, et mesdemoiselles Albert Aveline, Margarita, Tania Torrance, Felice, Virginie Pradal, Lucietta, Aline Bertrand, Marina. Après l'audition des Rustres, nous vous inviterons à écouter quelques extraits des mémoires de Goldoni, lus par Marcel Tristani. À Venise, dans la maison de Lunardo, riche marchand. Mère, ma fille? Bientôt la fin du carnaval. Oui, et quel amusement. Nous avons été gâtés. Et pas même un bout de comédie, une promenade sur la place, rien. Ça vous étonne? Moi pas. Je suis une jeune mariée depuis 16 mois, votre père m'a-t-il jamais emmenée quelque part? Jamais, rien. Mais dire que je faisais des vœux pour le mariage de mon père, je l'attendais avec impatience. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il attend, papa? Quand j'étais seule à la maison, je me sermonnais. Mon pauvre père, il faut le comprendre, il est seul. Il ne veut pas m'accompagner, il n'a personne à qui me confier. Je suis sa fille unique. Vivant qu'il se remarie, j'aurai une belle-mère, je pourrai sortir avec elle. Ah ben ça y est, il s'est remarié. Mais à ce que je vois, rien n'est changé, ni pour vous, ni pour moi. Que voulez-vous, votre père est un ours, ma fille. C'est comme cela, figurez-vous. Il faut se faire une raison. Pas de distraction pour lui, pas pour nous. Il ne sort pas, nous restons à la maison. Ah, quand j'étais jeune fille, si vous saviez. Dans ma famille, on savait se distraire. Ma mère n'était pas une femme commode, certes non. Mais quand c'était le moment de se distraire, alors elle voulait voir toute la famille en profiter, figurez-vous. Dès l'automne, c'était le théâtre, deux ou trois fois, puis au carnaval, cinq ou six fois. Oui. D'ailleurs, quand nous restions à la maison, quelle vie de société, des visites, des amis, des parents. De temps en temps, un jeune homme. Un jeune homme? Invité par ma mère, sans qu'on puisse avoir à redire, naturellement. Sans penser à mal, figurez-vous. Figurez-vous. Vous me connaissez, je ne suis pas de ces femmes qui ne songent qu'à flâner ou à bagnauder toute la sainte journée. Mais cela ne me déplairait pas de temps en temps, une fois par-ci, une fois par-là. Et moi donc, que devrais-je dire? Pauvre de moi qui ne sors jamais de cette maison. Mais vous, au moins, ma fille, vous vous marierez. Moi, c'est pour la vie que je dois rester ici. Vous croyez, madame? Vais-je me marier? Je crois bien que oui. Oh, dites, madame, oh, dites, quand donc? Quand vais-je me marier? Vous marierez quand le ciel voudra, figurez-vous. Le ciel me mariera-t-il sans que je sache? Ne dites pas de sottises, comment voulez-vous? Il faudra bien que vous le sachiez, vous aussi. Personne ne m'en a encore soufflé mot. Votre père ne veut pas que je vous dise quoi que ce soit. Oh, soyez bonne. Mais dites-moi, petite mère chérie. Ah non, pour sûr, pas un mot. Oh, chère mère, rien qu'un petit mot, un tout petit. Pour qu'il me fout droit? Mon père n'en saura rien. Oh bah, vous n'aurez rien de plus pressé que de lui répéter, figurez-vous. Impossible de vous retenir. Mais je ne répéterai rien, figurez-vous. Mais que signifie ce figurez-vous? Mais quel figurez-vous? Oh, ben j'en sais rien moi-même. Et je dis, figurez-vous. J'ai dû prendre ce tic et je le dis sans m'en apercevoir. Allons travailler, vous n'avez pas encore terminé ce bas. Presque. S'il n'est pas fini, lorsque votre père arrivera, il va encore me reprocher de vous avoir laissé bailler au cornet. Voilà, je me presse. Mais parlez-moi un peu de ce fiancé. Quel fiancé? Personne ne m'aime. Je ne vous aime que trop, petite Péronnelle. Amour de marâtre. Que dites-vous? Rien. Rien? Ah, oh, écoutez-moi bien, prenez garde, ne me poussez pas à bout, ma petite, sinon... Ma chère mère, pourquoi cette colère subitement? Oh, comme vous prenez la mouche. C'est ma foi vraie, mais que me prend-il? Je n'étais pas ainsi autrefois. À vivre avec les loups, on se met à hurler comme eux. Diable le voilà. Comme un chat en tapis noir. Monsieur mon père, je suis votre servante. Votre servante? Alors, on ne s'allume même plus? Travaillez! Que signifient toutes ces politesses? Vous cessez le travail pour cela? Je n'ai pas arrêté jusqu'ici. Mon bas est pratiquement terminé. Sommes-nous aux pièces ou à la journée? Je voudrais bien le savoir, figurez-vous. Vous, ma chère, disons la chose telle qu'elle est, vous ne ratez jamais une occasion de faire de telles réponses. Ça dépend de la question. Voyons, mon père, ce sont les derniers jours du carnaval. Faites-nous la grâce de ne pas trop gronder. Puisque nous ne sortons pas, restons au moins en paix à la maison. Bon, restez un jour sans crier, c'est au-dessus de vos forces. Mais oyez-moi toutes ces extravagances, que suis-je donc? Un tartare, un barbare, un monstre, une brute? De quoi vous plaignez-vous? Moi aussi, j'aime les amusements, mais dans la mesure où ils sont honnêtes. Oh, honnête, honnête. Oui, mon père. Alors, emmenez-nous faire un petit tour à la mascarade. Oh oui, des masques! Quoi? Des masques? Vous dites des masques. Ça y est, le voici qui monte sur ses grands chevaux. Vous avez le front de me demander à moi de vous sortir masqué? Et moi? M'avez-vous déjà vu, disons la chose telle qu'elle est, me mettre un masque sur la figure? À quoi ça rime-t-il? Vous appelez cela honnête? Ne m'en faites pas dire davantage. Je me comprends. Un masque. Les jeunes filles n'ont pas à sortir masquées. Et une femme mariée? Non plus, encore moins. Pourquoi encore moins? Tais-toi. Pourquoi les autres le font-elles? Figurez-vous. Figurez-vous, madame, que je m'occupe de mes affaires et peu me chaud celles des autres. Parce que, disons la chose telle qu'elle est, vous êtes un ours. Madame Margarita, un peu de jugeote. Monsieur Lunardo, un peu de bon sens. Madame mon épouse, prenez garde. Monsieur mon époux, ne me faites pas sortir de mes goûts. Oh là là là, oh là là, quelle maison, quelle famille. Allons, venez ça toutes deux. Et, s'il vous est possible, écoutez-moi. Oui. Bon, il m'arrive parfois d'avoir une idée qui me turlupine et de vous donner l'impression que je suis renfrogné. Mais aujourd'hui, que nenni, je suis bien disposé. Nous sommes en carnaval et je veux que nous prenions notre journée de bon temps. Je n'en crois pas mes oreilles. Plutôt ciel. Écoutez. Oui, mon père. Je veux vous faire dîner en compagnie. Merveilleux. Oh, où cela, cher père? À la maison. À la maison? Oui, mademoiselle, à la maison. Où voulez-vous donc aller? Au restaurant? Au restaurant? Oh non, monsieur, pas au restaurant, fille. Moi, je ne vais pas chez les autres. Je ne suis pas... Disons la chose comme elle est, un pique-assiette. Un pique-assiette quand on va au restaurant? Bon, ne l'écoutez pas. Parlons-en tous deux, figurez-vous. Donc, vous voulez inviter quelqu'un? Oui, madame. J'ai invité quelqu'un. Et même quelques-uns. Ils vont venir ici. Nous nous amuserons bien entre gens de bonne compagnie et de joyeuse compagnie. Qui avez-vous invité? Deux hommes comme il faut. Deux sont mariés. Ils viendront avec leur épouse. Ce sera très amusant. Bravo! Oh, très bien. Cher père, qui avez-vous invité? Peut-être curieuse. Papa. Voyons, mon ami, ne voulez-vous pas que nous le sachions? Il le faut bien, pourtant. Qui vous a dit que je ne voulais pas vous le dire? Vous voulez le savoir, vous allez le savoir. Nous aurons M. Canciano Tartufola, Maurizio D'Alestropes et Simone Marcelli. Eh bien, avec de pareils joyeux lurons, vous les amèdriez sur le volet. Quelle compagnie! Que voulez-vous dire? Ne sont-ce pas là des gens comme il faut? Ah, comme il faut, c'est le mot. Comme il faut pour le rabat-joie. Vos convives, trois sauvages de votre espèce. Hé, madame, je vous vois venir. Au jour d'aujourd'hui, il faut dire la chose comme elle est. Un homme de bon sens est un sauvage. Savez-vous pourquoi je vais vous le dire? Parce que chez vous, les femmes, tout n'est qu'ostentation, embarras et mondanité. Foin des distractions honnêtes. Il vous faut de la plume et de la fanfreluche, du bruit et de la chanson, des rubans et des dentelles, des falbalas et même... des masques, des pique-niques et des bonbons, des baladins et des sornettes. Rester à la maison, c'est rester en prison. Si vos robes ne sont pas les plus chères, elles ne sont pas les plus belles. C'est le monde, les relations, les réceptions. Car un jour seul, c'est la mélancolie, les soupirs, le martyr. À quoi tout cela, tous ces gens, à quoi cela sert-il? Peu importe. L'utile, c'est l'inutile. Le farfelu, le vent, la baudruche, le chahut, le papoti et le pia-pia-pia. La mandoline et le brinque-balle, c'est l'indispensable. Point de jugeote. Qui veut vivre hors de ce tourbillon inconsistant, chez lui, dignement, avec sérieux et souci de sa réputation, celui-là Disons la chose telle qu'elle est, on le traite de grognon, de trouble-fête, d'ours, de sauvage, d'ennuyeuse et de rustre. N'est-ce pas la bien parler? Ne dis-je pas la vérité? Moi, discuter avec vous, tout sera comme vous l'entendrez. Nous aurons donc ces dames à dîner, Felice et Marina. Oui, madame, vous le voyez bien. Moi aussi, j'aime bien les relations. Les mêmes viendront avec leur épouse. Chacun viendra avec sa femme légitime, comme cela, pas de compromission et de soldes d'histoire. Il n'y aura pas, disons la chose comme elle est, qu'est-ce que vous écoutez là, Lucietta? Ce n'est pas à vous que ce discours s'adresse. Y a-t-il des choses que je ne puisse entendre? Margarita, j'ai hâte de m'en débarrasser. Comment va cette affaire? Je vous raconterai. Lucietta, allez-vous-en! Qu'ai-je fait? Allez-vous-en donc! Oh, Seigneur, quel martyr, mais quel ours! Allez donc, puisque votre père vous le dit, obéissez! Si ma sainte mère était là, patience. Un balayeur? Et je l'épouse. Mon cher mari, devant Lucietta, je vous ai donné raison. Mais vraiment, vous êtes trop dur avec cet enfant. Lodo, vous n'y entendez rien. D'abord, ce n'est plus une enfant. Enfin, je l'aime bien, mais je veux qu'elle me craigne. Vous craindre? Est-ce là vraiment ce qu'il faut? Jamais vous ne lui donnez la moindre distraction. Vous vous croyez encore? Les filles doivent rester à la maison. Il est malséant de les emmener bagnonder à droite et à gauche. Mais quel mal y a-t-il si de temps en temps, un soir, vous la conduisiez à la comédie? Que nenni! Bah, ça se fait! Je veux pouvoir dire à celui qui la mariera, voici ma fille, prenez-la, monsieur, telle que je vous la remets. Disons la chose telle qu'elle est, jamais Lucietta, que voici, n'a mis un masque sur son visage. Jamais elle n'a été au théâtre. Si cela lui fait plaisir au futur. Alors, cette affaire de mariage, ni vue ni connue, avance-t-elle? Vous n'avez rien dit à la petite? Moi, rien. Je crois que c'est fait. Avec qui? Peut-on savoir? Mais pas un mot à qui que ce soit ou que ce puisse être, car les murs peuvent avoir des oreilles. À Venise surtout. Avec le fils... Avec un fils? Ah, c'est déjà ça. Le fils de qui donc? Avec le fils de mon ami Maurizio. Filippetto? Oui, Filippetto. Chut! N'en dites rien. Chut, chut! Coin, coin, miam, miam, morbleu, ne dirait-on pas que c'est là un secret d'État? Ou bien est-il honteux? Est-ce de la contrebande ou du trafic d'esclaves? Mes affaires ne regardent personne. Sauf votre fille et votre futur gendre. Personne ne vous entendait, personne. Ce mariage, est-ce pour bientôt? Bientôt. L'a-t-il fait demander? Mieux, je l'ai promise. Déjà promise? Oui, quoi d'étonnant. Sans en dire un mot à qui que ce soit? Le maître ici, c'est moi. Et la dot? Ce que je veux. Bon, alors moi, je suis quoi? Une statue, une buse, un toutou, figurez-vous? On ne me dit rien? Ai-je le droit? Que fais-je donc, figurez-vous? Ne suis-je pas en train de vous dire que... Oui, oui, il vaut mieux tard que jamais. Moi, c'est fait. Voilà. Mais la petite, quand le lui direz-vous? Je crois que cela peut l'intéresser, quoi que ce soit votre fille bien manégée et tout et tout. Mais elle le saura quand elle se mariera. Ne se verront-ils pas auparavant? Pourquoi? Lui plaira-t-il? Oui, j'en ai décidé ainsi. Soit, vous êtes le maître et c'est votre fille, je ne veux pas m'en mêler. Le père m'a donné sa parole. Quel beau mariage en perspective. Que voudriez-vous donc? Qu'il lui fasse la cour, qu'il lui compte la fleurette? Ne frappe-t-on pas? On frappe, j'y vais. Et la servante, n'est-elle pas là? Elle fait les chambres, j'y vais moi-même. Que nenni! De la fenêtre, je vais pouvoir... Non, enfin, madame, vous allez sur le balcon. Mais quelle affaire, en vérité, je n'en chuterai plus. Non, je ne veux pas, j'irai moi-même, je suis le maître. Disons la chose telle qu'elle est, et c'est moi qui te commande. Voyez le lourdeau sur lequel je suis tombée. C'est bien ma veine. Ce qu'on ne ferait pas pour ne pas rester fille... Folle de Lucietta qui veut se marier. Sur qui va-t-elle tomber? Le fils de Maurizio. Tout aussi ours que mon époux. Savez-vous qui est là? Qui? Maurizio. Le père du fiancé? Chut, silence. Lui-même. Vient-il pour conclure l'affaire? Retirez-vous. Enfin, ne suis-je pas votre épouse? Justement, allez, sortez d'ici, allez pêcher. Mais quel ours vous faites? Non, vraiment. C'est fini. Oh, quel animal. Enfin, la voilà partie. Ah. Décidément, avec des bonnes manières et de la douceur, on n'arrive à rien avec ces animaux-là. Serviteur, sieur Leonardo. Bien le bonjour, sieur Maurizio. Soyez le bienvenu. J'ai parlé à mon fils. Ah, vous lui avez dit que vous entendiez le marié? Je lui ai dit. Qu'a-t-il répondu? Qu'il en est fort aise. Bien. Et qu'il aimerait bien voir la promise. Qu'un aîné, ce n'est pas là notre contrat. Alors, de grâce, ne vous fâchez pas. Mon garçon fera tout ce que je voudrai. Quand vous voudrez, disons la chose comme elle est, la dot est prête. Je vous ai promis 6 000 ducats et 6 000 ducats je vous donnerai. Comment les voulez-vous ? Cher ami, je ne veux pas d'argent liquide. Ou bien un bon placement, un rente sur le trésor. Ou bien nous trouvons un emploi avantageux. Fort bien, comme vous voudrez. Et surtout, n'allez pas faire de folles dépenses de trousseau. Je ne le veux point. Oh, je vous la donne comme elle est. A-t-elle des robes de soie ? Quelques colis fichés. Pas de soie chez moi ! Tant que je vivrai, elle devra porter des robes de laine. Ah, elle n'a jamais rien porté d'autre. Pas de draperie folle, de manteau, capuche, bonnet, ruban, coiffe et panier, faux chignon, toupet et papillon. Bravo, vous parlez d'or, ouais. Dieu vous garde, c'est très bien ainsi. Comme un bijou, que lui donnerez-vous ? Lui donnerai de beaux bracelets d'or, comme il se doit. Et pour les jours de fête, un joyau qui était à ma femme. Et une paire de boucles d'oreilles en perles. Parfait, parfait. Ne faites pas la bêtise de les faire monter à la mode du jour. Et me prenez-vous pour un fou à la mode ? Les bijoux sont toujours à la mode. Qu'est-ce qui a de la valeur ? Les diamants ou la monture ? Et pourtant, vous voyez, de nos jours, il faut dire la chose telle qu'elle est. Tout cet argent gaspillé en montures à la mode. C'est incroyable ! Faites monter des bijoux tous les 10 ans, et en un siècle, vous les aurez payés 2 fois. Bien peu savent faire ce calcul. Bien peu possèdent ce que nous avons. Et ils disent que nous ne profitons pas de l'existence. Les pauvres ! Qu'ils lisent dans nos cœurs ! N'y a-t-il pas d'autre monde que celui où ils s'ébattent ou se débattent ? D'autres plaisirs dans la vie que leurs pauvres jouissances ? Cher ami, quelle satisfaction, n'est-ce pas, de pouvoir se dire « J'ai tout ce qu'il me faut, toujours ce dont j'ai besoin, je ne manque de rien. En cas de nécessité, l'argent est là, à ma disposition, sans sequins s'il le faut, et même à l'occasion, je puis me payer une fantaisie de tout autant, comme cela. » Eh oui, monsieur. Et bien manger, chaque jour, de bons chapons, venaison, des poulardons de lait bien à point, des cuisseaux de veau, de la bonne viande, avec de bons légumes bien frais autour. De la meilleure qualité et au meilleur prix, car nous payons comptant. Oui, rubis sur l'ongle. Et bien chez soi, au chaud. Ou au frais. Et porte close, sans bruit et sans histoire. À l'abri des importuns. Et des picassiettes. Et personne pour mettre le nez dans nos affaires. Et nous sommes les maîtres. Et non la femme qui fit le doux. Les fils sont les fils qui obéissent. Et les filles aussi. La mienne a été ainsi élevée. Non, mais vous verrez, mon fils est une perle. Pas de danger qu'il gaspille un sou. Il l'a appris. Un sou est un sou. Vous verrez, ma fille sait tout faire. J'ai voulu qu'elle soit capable de tout faire. Même la vaisselle. Mon fils, je n'ai pas voulu qu'il serve de trop près les servantes. Faut faire attention. J'ai voulu qu'il apprenne à repriser ses bas lui-même. Voir ses fonds de culotte. Ses fonds de culotte. Bravo. C'est comme je vous le dis. Faisons donc ce mariage, n'est-ce pas ? Et dépêchons. Compère, quand vous voudrez. Aujourd'hui, je vous attends à dîner comme convenu. J'ai 4 rideaux. Oui, il faut dire la chose comme elle est. Ils sont de première qualité. Magnifique. J'en ai l'eau à la bouche. Quel repas. À nous le bon temps. Oh, joyeuse société. Ils diront que nous sommes des sauvages. Les cornions. Ah, quels enfants. Thank you. toujours à Venise, dans la maison du marchand Simon. Oh, mon neveu ! Oh ben ça, alors, par quel miracle, une visite de vous ! Je sors du bureau et viens vous faire un petit bonjour avant de rentrer à la maison. Fort bien, Filippetto, c'est une bonne idée. Je suis ravi de vous voir. Voulez-vous prendre quelque chose ? Non, merci, ma tante. Je dois rentrer à la maison. Et si mon père ne m'y trouve pas en arrivant, pauvre de moi. Vous n'avez qu'à lui dire que vous êtes allé voir votre tante. Que voulez-vous qu'il dise ? Oh, si vous saviez, ma tante. Il est toujours sur mon dos, toujours à grogner. Jamais une minute de liberté, jamais. Oh, un sauvage, comme mon époux. Mon oncle Simon est-il ici ? Non, mais il peut rentrer d'un moment à l'autre. Lui aussi, dès qu'il me voit, il se met à crier. Il va me gronder. Non, laisse crier. Enfin, mon neveu, il ne manquerait plus que ça. Moi, ta tante, que je ne puisse pas te recevoir. Toi, le fils de ma pauvre sœur, la pauvre qui avait épousé ce vieil ours de Mauricio, ton père. Je ne voudrais pas que par ma faute, mon oncle ne vous dispute. Oh, ne t'en fais pas, mon petit. Quand il m'en sort comme le doigt, je m'en rabats comme le bras. Et toc. Ah, mais pauvre de moi, si nous le laissons faire, il n'en finirait pas de crier. Plus que mon père ? Oh, ça, je ne sais pas. L'un dans l'autre, disons qu'ils se valent et que les deux font la paix. Dire que jamais, depuis que je suis au monde, il ne m'a accordé la plus petite récréation. Oh, tu exagères. Et non, hélas. Les jours de la semaine, au bureau, tous les jours. Oh, c'est normal. Puis du bureau, direction la maison, presto, sans dételer. Les dimanches et jours de fête, on remplit ses devoirs et puis, de nouveau, retour à la maison. Toujours escorté du même domestique chapitré. Valet appliquant les consignes paternelles au doigt et à la lettre. Bureau-maison, paroisse-maison, travail, les livres, les devoirs et raccommoder les chaussettes. Toi, tu raccommodes tes chaussettes ? Oui. Et les domestiques ? Foin de soubrette. Et mes fonds de culotte et tout. Voilà pourquoi il t'interdit de t'asseoir chez les autres. Et ce domestique, toujours à mes choses. N'est-ce pas pour voir où ça craque ? Le mal que j'ai eu à le convaincre de s'arrêter ici. Un pauvre petit, quelle pitié. Faut tenir la jeunesse, mais trop, c'est trop. Vous ne savez rien, ma tante ? À quel sujet ? Alors... Mon père ne vous a rien dit ? Rien de rien. Quoi de nouveau ? Si je vous le dis, le répéterez-vous à mon père ? Sûrement pas, sois tranquille. Eh bien voilà, il veut me marier. Toi ? Oui. Mais avec qui ? Ce vieil ours a-t-il trouvé une fiancée ? Oui, ma tante. Mais qui est-ce ? C'est la fille de Sieur Leonardo Crozzola. Ah oui, je la connais. Enfin, non, je la connais pas, mais lui, le père, a épousé la petite Margarita, charmante petite, enfin... avant son mariage avec ce Leonardo, un ami de mon mari, tu vois le genre, hein, un sauvage de son espèce. Dis donc, le père du fiancé, le père de la fiancée, quel père, oh, quelle rencontre, ma parole. As-tu vu la jeune fille ? Non, ma tante. La rencontre aura lieu avant la signature du contrat. J'ai bien peur que non. Ah bah, mais si elle ne te plaît pas ? Si elle ne me plaît pas, je ne la prends pas, enfin, quand même. Mais dis-le à ton père, tu veux voir la jeune fille. Je lui ai dit. Alors ? Si vous l'aviez entendu. Oh, je l'entends. Comment faire ? Si je le savais, je t'arrangerais bien cela. Oh, ma tante, si vous pouviez... Ouais, mais avec cet ours de Leonardo, il ne laisse voir sa fille à personne. Si l'on pouvait, à l'occasion d'une fête... Chut. Mon mari. Ne vaut-il pas mieux que je m'en aille ? Non, non, reste, mon neveu. Que fait ici ce garnement ? Bonsoir, mon oncle. Je vous salue bien. Bonsoir. Quel charmant accueil vous faites là, mon neveu. Je vous ai prise pour faire ma condition, pas de famille chez moi. Oh, je vous demande un peu. Viennent-ils quêter pour une aumône, mes parents ? Oh, ma tante, laissez-moi partir. Non, va, mon neveu, va-t'en. C'est moi qui irai voir ton père. Serviteur, ma tante. Serviteur, mon oncle. Serviteur. Quelle manière. Le pauvre garçon, que voulez-vous qu'il dise ? Vous me connaissez pourtant. Que faisait-il ici ? Chez moi, je veux être tranquille et libre. On ne dîne pas aujourd'hui ? Non, madame. Et tout à l'heure, vous allez vous mettre à pester à cause du dîner. Il ne manquerait plus que ça. Pardi, à vous jouir, je ne suis qu'un ours et un balourd, je le sais bien. Un original, un hurluberlu. Mais enfin, pourquoi ne dîne-t-on pas aujourd'hui ? Parce que nous dînons dehors. Oh, quelle patience. Et où allons-nous dîner ? Où j'irai, vous irez. Mais encore où cela ? Où je vous conduirai. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que je le sache ? Est-ce un secret d'État ? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire ? Quand vous êtes avec votre mari, vous n'avez pas à chercher plus loin, ni à vous préoccuper d'autre chose. Non, en vérité, je crois que vous êtes un peu fou, mon mari. Enfin, il faut bien que je sache où nous allons, comment je dois m'habiller, avec qui nous dînerons. Là où je vais, moi, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas à se gêner. Mais avec qui allons-nous ? Vous allez avec moi ! Mais où donc ? Venez avec moi et vous le saurez ! Mmh. Oh, le cher homme charmant et doux et affable, amène, gai, comme un bonnet de nuit, le diable l'étouffe. Tiens, on frappe. Quels sont les fous qui s'aventurent chez l'ours Simon ? On frappe ! Ah bah, mais que vois-je, Felice ? Avec qui ? Son mari, naturellement. Le lourdeau, toujours derrière, a soufflé. Oh, celui-là. Et cet autre avec, encore un cavalier servant. Celle-là, quelle gaillarde, quelle femme. Que va encore dire mon époux ? Tout ce monde chez lui, et surtout Felice. Vous pensez quel exemple, ma chère? Après tout, c'est pas moi qui les ai fait venir. Soyons courtoises comme il se doit. Ah, chère amie. Chère Marina. Ah, chère Félicie. Messieurs, votre humble servante. Serviteur, madame. Madame, je suis votre très humble serviteur. Votre servante. Qui est-ce? Un comte, un gentilhomme étranger, un ami de mon mari. Ah. N'est-ce pas, Sir Conciano? Moi, je ne sais rien. Votre ami fidèle. Et l'ami de tous. S'il est l'ami de Sir Conciano, il ne peut être qu'une personne de grand mérite. Hein? Madame, et puisque je vous dis que je ne sais rien. Comment vous ne savez rien? Il vous accompagne chez moi? Avec moi? Enfin... Avec qui, je vous le demande? Avec qui serait-ce? Vous le comprenez, n'est-ce pas? C'est le carnaval, n'est-ce pas? Alors mon mari s'amuse un peu. Il badine. Il veut taquiner notre aimable hôtesse, chère Marina. N'est-ce pas, Sir Conciano? Dire qu'il faut avaler tout cela. Oh, quelle rouerie. Eh bien, asseyons-nous un peu, voulez-vous? Sir Conciano, je vous en prie. Je vous remercie. Ami, de grâce, si vous voulez vous asseoir là, je vous en prie. En toute simplicité, moi, j'irai de l'autre côté, à côté de Siora Marina. Oh non, monsieur, ne vous dérangez pas. Pourquoi c'est bilvesé? Croyez-vous mon mari jaloux? Allons, cher mari, défendez-vous. Entendez-vous, mon cher, vous croit jaloux? Lui, jaloux. Vraiment, mon cher comte, vous m'étonnez. Mon mari est un galant homme. Il connaît son monde et il connaît sa femme. Ce n'est pas le genre d'homme à souffrir de ce mal-là. D'ailleurs, s'il en souffrait, je me chargerais de lui faire passer. Ne serait-ce pas un comble qu'une femme de bonne société ne puisse traiter honnêtement un gentilhomme de passage venant à Venise pour y passer quelques jours de carnaval et qui m'a été recommandé par mon frère? Vous savez qu'il habite Milan. Hein? Mon mari n'est pas homme à cela, n'est-ce pas? Il s'en fait gloire. Il tient à ce que sa femme se divertisse, n'est-ce pas, Sir Conciano? Oui, madame. Voilà qui est bien. Eh ben, voilà qui est pour le mieux. À vous dire, j'avais une petite... un petit doute. Non, une petite inquiétude. Mais heureusement, vous me détrompez. Si le Sir Conciano approuve, je suis absolument, totalement, tout à fait rassuré. Oui, rassuré. Et ce sera avec la plus grande joie que j'aurai l'honneur de continuer à vous servir. J'ai été un triple idiot de le recevoir la première fois. Ainsi, nous dînons ensemble ce soir, cher ami. Mais où cela? Mais comment, où? Mais vous ne savez pas? Et mon mari m'a parlé de ce dîner vaguement, et puis... Mais il ne m'a pas dit chez qui nous allions. Chez Margarita. Ah, chez Sir Lunardo. Parfaitement. Ah, maintenant, je comprends. C'est pour le mariage. Quel mariage? Comment vous ne savez pas? Moi? Non, enfin, c'est-à-dire, racontez-moi cela. Je vais tout vous dire, mais parlons pas que personne ne nous entende. Il me semble que... Vous ne m'accordez pas grande attention, cher monsieur. Excusez-moi, mais j'ai déjà tellement de préoccupations et de soucis que je ne peux me charger de ceux des autres. Comme sauvage, on ne fait pas mieux. Vraiment, il ne l'a pas encore vu? Non, et le père ne le veut pas. Mais c'est... je ne trouve pas de mots. Oh, ma chère, à notre époque, c'est énorme. C'est incroyable, c'est fulgurant. Ah, si je trouvais un moyen, mais comment faire? Ce pauvre petit, que ne donnerais-je pour qu'il puisse l'avoir avant la signature du contrat? Il ne veut pas y aller? Mais il n'a qu'à s'y rendre, frapper, entrer. Y aller, même pas en saut. Je vous en prie, messieurs, occupez-vous de vos affaires, ne cherchez pas à écouter, causez entre vous, hein, que nous puissions en faire autant. Mmh. J'ai une idée. Écoutez ça, oui. Mmh. Où allons-nous ce soir? À la maison. Et, madame Conciano? À la maison, au lit. Au lit? À quelle heure? À 8 heures. Bon. Vous moquez de moi? Ma foi, oui, pour vous servir. Ah, voilà bien embarqué. Qu'en dites-vous? C'est une bonne idée. Oh, excellente, merveilleuse. Mais comment m'y prendre pour prévenir mon neveu? Si je le fais venir, mon mari devient furieux. Faites-lui dire de venir chez moi. Et son père? Mais ne va-t-il pas dîner lui aussi chez Lunardo? Quand le père sera sorti, que le fils accourt, ensuite j'arrangerai le reste. Mais après? Après, nous verrons bien. Je l'envoie chercher tout de suite. Eh bien, vous êtes muet? Qu'y a-t-il? Eh bien, monsieur Conciano n'a pas envie de parler. Oh, le pauvre, encore une idée derrière la tête, toujours des soucis, des tracas, des affaires, et tout cela, tant de préoccupations. Vous savez, mon mari est un homme considérable. Ah, je me demande s'il n'a pas quelque chose qui ne va pas. Vraiment? Oh, cher homme, que lui arrive-t-il encore? Un nouveau tracas? Qu'avez-vous, monsieur Conciano? Rien. Ah, vous me rappelez que ce soir, nous devons aller à l'opéra. Moi? Je ne vais pas à l'opéra. Comment cela? Voici la clé de la loge et c'est vous qui l'avez louée. Ah, je l'ai louée. Oui, je l'ai louée, tellement vous m'avez bassiné pour en arriver là. Mais à l'opéra, moi, je n'y vais pas. Et donc, vous n'irez pas non plus. Vous voulez plaisanter, mon cher. Chère Marina, il plaisante, vous savez, c'est le carnaval. C'est un plaisantin, ce mari qui m'adore. Figurez-vous qu'il m'a loué une loge et qu'il m'accompagnera à l'opéra. N'est-il pas vrai, mon petit mari gentil? Prends garde, si tu fais des sottises, il t'en cuira. Quelle matoise. Voulez-vous m'accompagner, cher Ricardo? Il reste de la place dans la loge, n'est-ce pas, chérie? Peste de ma femme, elle me fait faire tout ce qu'elle veut. Aïna! Monsieur? Que signifie tout ce vacarme? Que veulent-ils? Et celui-là, qui est-ce? Oh, Sieur Simon, mes compliments. Serviteur. Allons! Répondez! Nous sommes venus vous rendre visite. À qui? Mais à vous, cher ami. N'est-ce pas, monsieur mon mari? Oui, madame. Vous, Marina, retirez-vous. Mais moi, comme être de sainte incorrection, vous voulez me faire passer pour une femme mal élevée. Oh, laissez-moi m'occuper de ça, retirez-vous. Allô, Marina, obéissez à votre mari. Moi aussi, voyez-vous, quand mon époux me dit de faire quelque chose, je le fais immédiatement. Très bien, j'ai compris, je me retire. Votre servante à tous. Votre très humble serviteur, madame. Je me tais parce que pas d'éclat, mais de cette vie, je commence à en avoir jusque-là. Qui est ce monsieur? Ah, demandez-le à mon mari. Si vous désirez le savoir, ne vous mettez pas en peine, monsieur, je vais vous le dire. Je suis le comte Ricardo degli Accolai, gentilhomme des Abruzzes. Je suis un ami de monsieur Canciano et le dévoué serviteur de madame Felice. Et vous permettez à votre femme de fréquenter ce genre d'individu? Et que voulez-vous que je fasse? Voilà. Vous voyez le genre de malotruc, celui-là? Il vous a tous planté là, sans un mot d'accueil, ni d'adieu. Oh, quelle différence, cher comte, avec mon mari, homme de bonne manière, incapable d'une pareille goujaterie. Je suis désolée de ne pouvoir vous garder à dîner ce soir. Nous allons prendre nos dispositions pour l'opéra, où nous irons ensemble, si vous le voulez bien. N'est-ce pas, Sieur Canciano? Mais puisque je vous dis que je ne vais... Venez donc ici, monsieur le Bénet. Elle prend Canciano par un bras, passe son autre bras sous celui de Ricardo, et ils sortent. Revenons chez Lunardo. Oh, chère mère, quelle jolie robe! Que voulez-vous, ma fille? Votre père a lancé des invitations pour le dîner, figurez-vous. Alors tout de même, vous ne voudriez pas que j'ai l'air d'une servante. Hélas, moi, de quoi vais-je avoir l'air? Ce n'est pas la même chose. Pour une jeune fille, vous êtes bien ainsi. Mais oui, je suis très bien. Quand je ne suis pas souffrante, je suis très bien. Si j'étais votre fille, supporteriez-vous de me voir ainsi attifée en tablier devant des invités de quelque importance? Le toléreriez-vous? Eh bien, retirez-le, ce tablier. Et après, quand je l'aurai ôté? Mais quand vous l'aurez ôté, figurez-vous, eh bien vous ne l'aurez plus. Croyez-vous que je ne vois pas que vous vous moquez? Vous me faites rire, ma petite. Que voudriez-vous donc? Ce que je voudrais, belle maman. Mais faire mon petit effet, moi aussi, auprès de nos invités. Alors enlevez ce tablier. Oui, madame, tout de suite. Venez là, que je vous mette ces manchettes. Oh, comme c'est gentil, chère mère. Faites voir. Voyez, elles sont presque neuves. Que voulez-vous que je fasse avec ces chiffons à vaisselle? Des chiffons? Des manchettes en toile de cambrai que je n'ai pas portées 4 fois? Mais ne vous mettez pas en colère, je les mettrai. Venez ici. Elle lui met les manchettes. Quelle capricieuse! Ah là là, toutes les mêmes. Plus on en fait, moins elles sont satisfaites. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Vous allez au bal? Pardi, nous y voilà, et sans délai. Pour une fois que je m'habille, cela arrive une fois par an. Monsieur Ronchon, illico. Avez-vous peur, figurez-vous, que je vous mette sur la paille? Oui, madame, achetez une robe par semaine si cela vous amuse. Il faut dire la chose comme elle est, peu me chaud. Dieu me bénisse, je ne suis pas de ceux qui lésinent sur la dépense et n'ai pas peur de débourser 100 ducats d'un coup s'il le faut. mais je ne veux pas de bouffonnerie chez moi. Je le lui avais fait remarquer. Et toi, ne prends pas exemple sur elle. Qu'est-ce que c'est que tout ce bazar-là? Je le lui avais fait remarquer tout à l'heure. Mais mon père, c'est le carnaval et... Le carnaval. Bon prétexte pour n'importe quelle folie, n'importe quelle extravagance. Ce sont des manchettes que mademoiselle arbore à chaque manche. Et puis quoi encore? Qui vous a donné ces saletés? C'est madame ma mère qui me les a données. Et cervelée, inconséquente, femme sans jugeote. Est-ce ainsi que vous donnez le bon exemple à ma fille? Que vous l'élevez dans les bons principes? Quand je ne cède pas à ses caprices, elle dit que je ne l'aime pas. Allez vous déshabiller tout de suite. Il n'en est pas question. Dussiez-vous m'assommer? C'est bon, vous ne tiendrez pas à table. C'est le cadet de mes soucis. Et moi, mon père? Pourrais-je venir à table? Enlevez-moi toutes ces fanfreluches! Oui, mon père, si tel est votre désir. Moi, j'obéis. Ah. D'ailleurs, voyez ce que c'est des vieilleries. Comment a-t-on pu me donner ça? Vous voyez ce que c'est qu'une fille bien élevée? Oh, ma première femme a bien fait des choses. Elle, ce n'est pas elle qui aurait mis un ruban sans me le dire, que dis-je, sans me le demander. Je disais non, c'était fini. Où tu es maintenant, je te bénis, feu ma chère épouse. Saut, triple saut, que de m'être remarié. Et moi, monsieur le délicat, croyez-vous que j'ai tiré le gros lot en convolant avec un lourdeau tel que vous? Pauvre malheureuse, n'avez-vous pas tout ce qu'il vous faut? Ne mangez-vous pas à votre faim? Oh, bah naturellement, la femme, cet animal, figurez-vous, si on lui donne une pitance suffisante, naturellement, que peut-elle désirer de plus? Ah. Il ne lui manque rien si le boire vient avec. Mon père, voilà du monde. Oh, les ânes battés, à quoi servent les domestiques? Ah, c'est rare. Bien, chère Marina. Madame. Bonjour, ma fille, bonjour. Le bonjour, sieur Simon. Serviteur. Eh bien, sieur Lunardo, vous ne dites rien. Bon, patience. Bonjour. Lucietta, allez-vous-en. Plutôt mourir. Cher ami, débarrassez-vous. Oh, très volontiers. Et déshabillez-vous, vous aussi, ma femme. Me déshabiller aussi? Qu'en dites-vous, cher ami? Mon époux veut que je me déshabille, n'est-il pas drôle? Vous allez voir, ma chère, comme Signora Felice est habillée. Vous l'avez vue? Elle est venue chez moi. Racontez-moi cela, comment était-elle? Oh, un grand manteau de soie. Vous entendez, monsieur mon époux, un manteau de soie, un nouveau manteau de soie. Peu me chaud, les affaires des autres, vous le savez, ne m'intéressent que dans la mesure où elles m'intéressent. Je vous dis d'ôter cela. Vous voulez rire? Hélas, non. Allons, venez, cher ami. Si nous les écoutons, c'est alors que nous serons ridicules. J'ai des toilettes, je suis jeune et je veux en profiter. C'est ainsi et pas autrement. Ma parole, elle cherche une querelle. Les agréments du mariage. Rappelez-vous ma première femme, quelle bonne fille. Comparée avec le poison que j'ai épousé. Et moi donc, sot que je suis. Moi qui n'ai jamais pu souffrir les femmes, pourquoi j'étais mettre sur les bras ce démon déchaîné? Au jour d'aujourd'hui, il n'est plus possible de se marier. Vous voulez tenir votre femme, vous êtes traité de sauvage, vous la laissez faire, vous êtes un bonnet. Si je n'avais cette fille de mon premier mariage, il faut dire la chose comme elle est, je ne me serais pas embarrassé d'une seconde femme. Vous la mariez donc? Qui vous l'a dit? Ma femme. Qui le lui a dit? Son neveu, je crois. Filippetto. Oui. Maudit bavard, les cervelets, les triple sauts, son père le lui a dit. Naturellement, il n'a rien eu de plus pressé que d'aller le crier sur les toits, ce qui me prouve que ce garçon n'est pas celui que je croyais. Vous lui en voulez qu'il l'ait dit à sa tante? Oui, mon cher. Qui ne sait se taire n'est pas un homme prudent. Qui n'est pas un homme prudent n'est pas un homme à marier. Vous avez raison, mais que voulez-vous? On ne trouve plus de jeunes gens comme de notre temps, souvenez-vous. Ce que voulait le père, rien de plus, rien de moins. C'était le bon temps. Oui, j'avais deux sœurs. Mariées, je ne les ai pas revues 10 fois. C'était le bon temps. Moi, je ne parlais quasiment jamais à ma mère, c'était quelque chose. Et moi, tel que vous me voyez, je n'ai jamais mis les pieds à la comédie, ni au théâtre. Je ne sais pas ce que c'est, tel quel. Eh bien, moi, mon cher, tel que vous me voyez, on m'y a traîné une fois. La politesse, que voulez-vous? J'y ai dormi tout le temps. Eh bien, moi, un jour, mon père m'a dit, « Veux-tu aller voir le diorama, ou bien veux-tu que je te donne 2 sous ?» Eh bien, moi, j'ai choisi les 2 sous, oui. Moi, j'économisais, prenais tout pourboire possible, de ci, de là. À chaque occasion, je soutirais à mon père quelques piécettes. Et l'un dans l'autre, j'ai amassé 100 ducats. Je les ai placés à 4%. Et depuis ma jeunesse, j'ai 4 ducats de plus de revenus. Si vous saviez mon plaisir quand je vais les toucher, c'est indescriptible. C'est pas pour les 4 ducats. Oh, vous pensez, foin de la droguerie, non? Mais je me délecte à me répéter que cet argent, je l'ai gagné quand j'étais tout petit. Pour en trouver un comme cela maintenant, il faudrait se lever de bonheur. Maintenant, tous ces godelureaux jettent l'argent par les fenêtres. Il faut dire la chose comme elle est, par poignée, que dis-je, à l'appel. Par poignée sont les raisonnables. Et si ce n'était que l'argent, ils se ruinent de 1000 façons. Quelle époque. Quelle mœur. Tout cela, c'est la faute de la liberté. Ils ne savent pas encore se boutonner seul le pantalon qui se mêle à la conversation. Plus de femmes, plus de mères. Ce sont elles qui poussent, mon petit coco par-ci, mon petit bichon par-là. Le plus beau pipi, le plus beau tata pour commencer. Le mot de bébé, colporté, esclaffé, puis la répartie du petit. La joie de toute la rue et l'insolence du garçonnet, gorge chaude de la ville. Et la maman sourit, elle hoche du bonnet, et elle explique à qui veut écouter, même aux autres, des bébés comme cela, montés en branche, il n'y en a pas deux. Résultat, le petit n'est plus à prendre avec des pincettes et l'on s'étonne qu'il traite des parents de croulants, de gâteux, de sarcophages ambulants. On en entend à faire dresser les cheveux sur la tête. Et c'est tout dire. Je ne vous le fais pas dire. Les mères sont folles parce que les femmes sont fofolles. Plus le lardon est insupportable, grossier, méchant, brutal, plus elles en remettent, les idiotes, pour avoir l'air moderne, pour avoir l'air de comprendre, alors qu'elles ne comprennent rien du tout. D'abord parce que les trois quarts du temps, elles sont idiotes, et que pour les quatre quarts, elles souffrent d'autant plus qu'elles ne s'en rendent pas compte. Pauvre petit chéri, qu'il s'amuse, il s'ennuie, le pauvre. Pardi, on lui a tout donné avant qu'il le désire. Il ne désire plus rien, alors il se venge. Les pauvres gosses qui rigolent à votre histoire de petits sous donnés par papa, votre joie de le recevoir parce que vous l'aviez désiré, espéré, supputé et gagné, cette joie, ils ne la connaîtront jamais. Vous étiez heureux avec un sou. Ils boudent devant un châle sorti de terre, tout harnaché, un simple coup de pied d'impatience. Pauvre gars, ils sont tristes, ils sont vieux, ils sont jaloux de votre bonheur d'un sou. Et la maman quémande un sourire. Platitude, le gosse déteste naturellement le malheureux. Il souffre de la trouver ridicule. Pour peu qu'elle y ajoute le spectacle de quelques plumes sur le chignon, il mérite une paire de claques. Papa veut jouer au vieux copain, le gosse lui crache dessus, furieux, déçu, impitoyable, envers celui qui lui refuse de pouvoir le considérer. Ça viole la bonne dans l'ennui, barbote le fric par désœuvrement, dépense en insanités et vilenies, alors que la même énergie, la même outrance, sous d'autres cieux, sous d'autres pères, en aurait fait des cavaliers, des jouteurs, des chefs. On n'aime plus les mères, on n'aime plus les femmes, on ne respecte plus les pères, on ignore l'élégance. Les épées ne sont plus tenues par des mains dignes, ne se croisent plus pour ce pourquoi elles ont été trempées. Allez travailler chaque jour, là où le père a acquis biens et considérations, finons. L'argent, il est vulgaire de le gagner. On daigne le pardonner à papa en le jetant par les fenêtres. On se croit large en étant un gogo. Mais le garçon veut se marier. On se réjouit, enfin, enfin. Fin du plomb dans la tête. On convole sans plus de flamme. On épouse une sotte ou une dévergondée. On fait des enfants dans l'ennui ou dans la débauche. Et l'on s'étonne de se retrouver seul. Et l'on est même plus surpris d'avoir honte lorsqu'on se regarde dans une glace. Si quelqu'une que je connais vous entendait... Elle m'arracherait les yeux. J'en ai peur. Quand on voit ce que l'on voit, disons la chose telle qu'elle est. Et votre fille? Alors, le contrat est-il signé avec Moridio? Oui, mais n'en parlons pas ici. Venez dans mon cabinet, les portes ferment bien. Je vous raconterai tout, mon compère. Oui, ma femme est bien là avec la vôtre. Oui, sans doute. Il n'y a personne d'autre, je pense. Chez moi, personne n'entre sans que je le sache et le permette. Oui, il faut être vigilant. Figurez-vous, chez moi, ce matin... vaut mieux pas en parler. Racontez-moi. Racontez, que s'est-il passé? Allons dans votre cabinet, les portes sont épaisses. Oh, les femmes, toujours les femmes. Disons la chose comme elle est, qui dit femme dit diable. Oh, là, qui est excellent! Et pourtant, pour dire la chose comme elle est, l'animal ne me déplaît pas. Confidence pour confidence, à moi non plus. Mais à la maison. Et tout seul. Et toutes portes closes. Et les volets clos. Cadenassés. Et tenus en respect. À la cravache, aux doigts et à l'œil. Et que ça saute. Et en silence. Le balai et l'aiguille. Un point, c'est tout. En silence et les yeux baissés. C'est comme cela, quand on est un homme. Les autres, ce ne sont pas des hommes. Venez. dans la chambre de Margarita. Oh, cher ami, soyez gentil. Appelez Don Lucietta. Il faut lui parler un peu de son mariage, la pauvre petite. Nous verrons bien ce qu'elle nous en dira. Ah, croyez-moi, cher ami, elle ne le mérite pas. Oh, cher ami, il faut comprendre la jeunesse et par conséquent lui pardonner. Mais enfin, ce n'est plus une enfant. Quel âge a-t-elle donc ? Bientôt 18 ans. Mais mon neveu, lui, va avoir 20 ans. Ah, ils sont bien assortis. Et croyez-moi, c'est un bon garçon. Pour être juste, disons que Lucietta n'est pas une mauvaise fille non plus. Ça dépend des jours. À un moment, elle m'embrasse, m'accable de caresses et de gentillesse. Le suivant, elle est fermée ou ne sait quoi inventer pour me faire enrager. Mais mariez-la au plus vite. Oh, demain, si possible. Le contrat n'est-il pas arrêté ? À qui se fier avec les hommes ? Ils nous traitent de capricieuses, mais ils changent d'avis plus souvent que de chemise. Moi, je parierais bien que le mariage va être décidé aujourd'hui même. Aujourd'hui, mais pourquoi ? Votre mari a convié mon beau-frère à dîner. Il n'est pas homme à inviter les gens pour rien, vous verrez ce que je vous dis. Et si Lucietta disait non ? Elle devrait pourvoir. Oh, ne me parlez pas de malheur. Non, ce serait drôle, non ? Oh oui, j'en frémis. Mais il vaut mieux la prévenir, vous vous rendez compte ? Je reviens tout de suite. Les vieux ours tout de même, on ne voit plus cela. Pauvre Lucietta, un père et une marâtre. Je comprends qu'il faille la marier, et vite. Venez donc, Lucietta, Madame Marina veut vous parler. Veuillez me pardonner de n'être pas venue plus tôt. Je me demande toujours si je ne vais pas faire quelque chose de mal. Mais c'est vrai, ma chère petite, vous avez un père un peu sévère. Mais heureusement, vous avez une belle-mère qui vous aime et qui vous veut beaucoup de bien. Qu'avez-vous à me dire, madame ? Tiens, qui est-ce ? Le destin. Vous attendez quelqu'un ici ? Oui, peut-être. Et cette nouvelle, madame ? Et cette bonne nouvelle ? Ah, cher enfant, je suis bien contente pour vous. Oui, bien contente, moi aussi. Mais de quoi ? Le lui dites-vous. Allez-y donc, dites-le lui. Ma chère petite, que je suis contente pour vous. Oui, vous êtes fiancée. Cela m'étonnerait. On le dit. Non, mais il n'y a rien de sûr. Moi, je crois que c'est certain. Vous vous moquez sur Amarina ? Moi, me moquer ? Mais je connais même le nom du fiancé. C'est vrai ? Et qui est-ce ? Alors vraiment, vous ne savez rien. Ah non, non, non, rien. Je puis vous le certifier. Hélas, je tombe des nues, je crois rêver. Désirez-vous que ce rêve se réalise ? Et comment ? Ce n'est pas impossible. Oh, Dieu vous entende. Est-il jeune ? Votre âge. Est-il beau ? Assez. Oh, Dieu soit loué ! Comment s'appelle-t-il ? Filippetto. Quel joli nom. Filippetto. Est-il aimable ? C'est mon neveu. Oh, quelle joie ! Ma tante, ma chère tante, quel bonheur. Oh, ma tante, mais quelle chance. C'est pas fini, toutes ces démonstrations. Mon cher belle maman, taisez-vous donc. Vous en avez fait tout autant, je le parierais. Vous pensez, avec le gros lot que j'ai tiré, Filippetto. Comment est-il ? Vous ne l'avez jamais vu. Ah, pauvre de moi, mais où et quand ? Dans cette maison, il ne vient jamais personne et d'où je ne sors jamais. Vous verrez, quand vous le verrez, il vous plaira. Dites-moi, sœur Amarina, Filippetto est donc le fils de sœur Maurizio ? Oui, son fils unique. Unique. Oh, j'en suis bien heureuse. Mais dites-moi, il n'est pas aussi grognon que son père. Oh non, il est charmant, agréable, doux, très gentil. Mais quand vais-je le voir ? À vrai dire, je n'en sais rien. Je voudrais bien que vous vous rencontriez. Après tout, il se peut qu'il ne vous plaise pas ou le contraire. Oh, serait-ce possible ? Quoi donc ? Que je ne lui plaise pas ? Pour qui vous prenez-vous, figurez-vous ? Pour Vénus ? Non, pas pour Vénus. Mais enfin, pas pour un monstre non plus. Quelle prétention, ma parole ! Écoutez-moi, chère Margarita, j'ai quelque chose à vous dire. J'en ai parlé à Sora Felice qui est venue me voir. Elle n'en venait pas, vous la connaissez. Comment, à notre époque, à Venise, interdire à ses enfants de se rencontrer avant la signature du contrat ? Bref, elle a pris sur elle de leur ménager cette rencontre. Une rencontre ? Une rencontre ? Mais où et comment ? Ah, ma foi, je n'en sais rien. Vous m'inquiétez. Avec elle, il faut s'attendre à tout. Vous savez qu'elle vient dîner ici aujourd'hui. Nous verrons bien ce qu'elle a pu imaginer. Une rencontre ? Mais c'est magnifique ! Oh, magnifique, magnifique, c'est à voir, ma petite. Et si mon mari s'en aperçoit, figurez-vous, qui va encore se faire agonir de sottises et rabattre les oreilles, sinon moi, et encore à cause de vous ? Qu'est-ce ? Ah, voilà du monde. Si c'est mon père, je me sauve. Pourquoi donc avez-vous à craindre ? Il n'y a pas d'homme avec nous. Devinez qui vient là ? Qui ? Mais Sœur Felice, tout simplement, est masquée et toute plume dehors. Que fait-elle ? Elle parle avec la servante. Oh, ça m'étonne d'elle. Et est-elle seule ? Oui, non, oui. Qui voulez-vous qui vienne avec elle, ma belle ? La voilà. Voyons ce qu'elle va nous dire. Oui, voyons, voyons, voyons. Votre servante, ah, votre servante. Il est temps, Sœur Felice, vous vous faites désirer. Oh oui, alors vous vous faites désirer. Désirer ? Si vous saviez, il faut que je vous raconte. Vous êtes seule sans votre mari ? Oui, je l'ai expédié voir votre époux. Je n'en voulais pas ici, j'avais à vous parler. Une bonne nouvelle ? Savez-vous qui est là, en ce moment ? Qui ? Sœur Maurizio. Oh, le père du... Comment le savez-vous ? Mon mari, qui a lui aussi, pardonnez-moi, un ours de la plus grande espèce, a voulu, avant de rejoindre Sœur Lunardo dans son cabinet, savoir qui s'y trouvait. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ? Voyons, quelle question. Ne croyez-vous pas qu'ils sont en train de régler certaine affaire. Ah, vu, j'ai compris. Mais moi aussi, j'ai compris. Elle me prenne pour une demeurée, ma parole. J'ai compris, moi aussi, le contrat. Mais à propos de l'autre affaire, vous savez, rien de nouveau. Au sujet de cette amie? C'est cela. Si elles imaginent que je ne devine pas. Là, ma fille, on peut dire que vous avez de la chance. Pourquoi? Je n'avais jamais vu ce garçon auparavant. Mais je puis vous le dire, c'est une perle. Mademoiselle, êtes-vous satisfaite? Alors vont-ils se voir, ces enfants? Mais j'espère bien que oui. Comment? Où? Quand s'y aura Felice? Quand? Où? Comment? Écoutez, Filippetto va venir ici d'un moment à l'autre. Vrai? Ici? Pourquoi n'y viendrait-il pas? Taisez-vous, ma fille! Vous parlez comme une girouette sans savoir ce que vous dites. Comme si vous ne connaissiez pas votre père. Oh, chère Sœur Felice, vous connaissez mon époux. Eh oui. Alors figurez-vous pas d'imprudence à la moindre faute. Ne vous faites pas de soucis, chère amie, ne vous tracassez pas, j'y ai pensé. Filippetto viendra. Viendra. Masqué. Taisez-vous, masqué. Et déguisé en femme, ainsi votre mari ne pourra pas le reconnaître. Oh, déguisé en femme. Oh, bonne idée, excellente. En êtes-vous bien sûr? Pourtant, vous aussi avez épousé un ours. Le mien est terriblement chatouilleux et soupçonneux. S'il s'aperçoit de la ruse, figurez-vous, malheur à moi. Chère amie, ne jugez pas mal. Pourquoi ne pas me faire confiance? Soyez sans crainte. D'ailleurs, il ne saurait tarder maintenant. Serons-nous encore seuls? That is the question. Dans ce cas, ils pourront se regarder, nous bavarderons à notre aise un bon moment. Si nous sommes déjà à table ou si votre mari nous a déjà rejoints, tant pis. Dans ce cas-là, vous me laisserez faire. Je sais bien comment j'envelopperai l'affaire. Quant à eux, ils se verront comme ils pourront. Le principal, c'est de se voir. D'un bon petit coup d'œil en coin, n'est-ce pas, ma petite chérie? Une œillade, elle a dérobé. Elle a dérobé. Viendra-t-il seul? Mais non, ma chère, il ne peut pas venir seul, voyons, habillé en femme et masqué. Avec qui viendra-t-il? Avec un étranger, celui de ce matin. Je vous ai comprise. Si vous croyez que mon mari reçoit des gens qu'il ne connaît pas... Mais lui aussi sera masqué. Mais c'est pire encore, masqué ici, chez mon mari, vous n'y pensez pas? Vous imaginez un plaisir des difficultés, non? Voilà une trouble-fête. Je sais ce que je dis, mon mari, c'est mon mari, figurez-vous, et je le connais bien, hélas. Mais on frappe. Voyons, vous n'entendez pas? Mais que fait-elle donc? Elle dort, ma parole. Oh, j'y vais. Non, mademoiselle, vous restez ici. Moi, j'y vais. Chère madame, mon sort est dans vos mains. Cela m'ennuierait de contrarier votre marâtre. Ne vous en préoccupez pas. Si cela ne tenait qu'à elle, Lucietta ne se marierait jamais. Si vous saviez. Mais qu'a-t-elle donc contre cette pauvre enfant? Je ne comprends pas. Mais voyons la jalousie, figurez-vous. Regardez-la. Et puis elle a récolté un vieux barbon de mari. Et voilà sa belle-fille qui va en épouser un jeune. Elle enrage, c'est tout, elle enrage. Figurez-vous, c'est pour vous, Sœur Felice. Pour moi? Qui, quoi? Des masques, vous demande. Des masques? Oh, c'est sûrement votre ami. Le comte, c'est possible. Faites-les entrer, voulez-vous? Et si mon mari survient? Si votre mari entre, ma chère, je lui expliquerai que enfin, je trouverai bien. Croyez-moi, je ne serai pas à court d'invention. Enfin, que puis-je dire? Que ou bien que... N'est-ce pas? Ou bien que c'est ma sœur qui vient de Milan. Elle s'y est mariée. Je l'attendais justement ces jours-ci. Oui, elle peut arriver d'un moment à l'autre. Peut-être même est-elle là. En tout cas... Et l'autre masque? L'autre? Eh bien, la belle affaire. Un de plus, un de moins. C'est peut-être le mari ou le cousin. Oui, oui, c'est cela, mon cousin. Comme le cœur me bat. Paraissent Ricardo masqué et Filippetto masqué lui aussi et habillé en femme. Mesdames, votre très humble serviteur. Votre servante, beau masque. Servante. Madame. Oh, quelle grâce, quelle élégance. Oh, qu'elle est belle, quelle grâce et quel teint de pêche. Beau masque, veuillez excuser mon impolitesse, avez-vous dîné? Moi, non, madame. Nous non plus et je ne vous cache pas que... Oh, nous n'allons pas vous importuner plus longtemps, nous nous retirons. Je n'ai fait que l'apercevoir. Retirons-nous, madame. Oh, que le diable l'emporte. Oh, attendez un instant. Oh, je crois toujours entendre le pas de mon ours de mari. Bon masque, juste un mot. Vous plaît-elle, Filippetto? Oh oui, madame. Mais pourrais-je au moins le voir un tout petit peu? Bon masque, prisez-vous. Oui, madame. Servez-vous. Pour priser, on retire son masque. Felice lui enlève son masque. Qu'il est beau. Merci, cher ami, de la belle comédie que vous m'avez offerte aujourd'hui. C'est la meilleure du monde. Alors finissons-en, figurez-vous. Il est temps encore. Laissons là cette comédie et ses équivoques. Oui, vous avez raison, cher ami. Vous, beau masque, retirez-vous. Cela suffit pour aujourd'hui. N'en demandez pas davantage. Je ne puis m'arracher. Il emporte mon cœur. Vite, enfin, tout s'est bien passé. Oh, mon Dieu, pauvre de moi. Qu'y a-t-il? Mon mari, le voilà. Qu'importe, n'est-il pas ma sœur? Oh, s'il me prend à mentir, plaignez-moi. Vite, vite, cachez-vous. Vous, Filippetto, dans ma chambre. Oui. Vous, monsieur, entrez là. Mais enfin, qu'est-ce? Pourquoi c'est un brolio? Allez, allez, cher ami, faites-nous cette grâce. Ah, que ne ferais-je pour vous faire plaisir? Oh, je tâcherai d'écouter et de voir. Mes genoux tremblent. Oh, je l'avais bien dit. Oh, ce n'est rien. Mais oui, quand nous irons dîner, ils en profiteront pour s'en aller. Oh, que j'étais stupide. Ah, ah, mesdames, n'êtes-vous pas trop lasse d'attendre? Nous allons dîner tout de suite, dès que Sir Maurizio sera là. Oh, il n'était pas ici. Eh si, mais il est allé chercher... Enfin, il est allé faire une commission et va revenir bientôt. Lucietta, ma fille, qu'as-tu donc? Disons la chose comme elle est, tu as l'air toute... Rien. Je n'ai rien, père. Voulez-vous que je me retire? Oh, certes non, reste ici. Ah, aujourd'hui, ma fille, est un grand jour pour toi, n'est-ce pas, maître Simon? Oh, chère petite, je suis bien content pour elle. Et vous, sieur Canciano, qu'en dites-vous? Très bien, bravo, elle l'a bien mérité. Ce tremblement va-t-il s'arrêter? Quelque chose de nouveau, sieur Lunardo? Oui, madame. Eh bien, dites-le nous, vite, nous avons hâte de savoir. Naturellement, je serai la dernière informée. Non. Écoutez, ma femme, libre à vous de dire tout ce qui vous passera par la tête. Et Dieu sait, aujourd'hui, je n'ai pas envie de crier. Je suis content. Et je veux qu'il y ait de la joie dans cette maison. Lucietta, viens ici. Mais qu'as-tu donc? Je n'ai rien. Mais as-tu la fièvre? Écoute, et ça te passera. En présence de ma femme, qui te tient lieu de mère, en présence de ces messieurs et de leurs épouses, je t'annonce que tu es fiancée. Lucietta tremble de plus belle, se met à pleurer, manque de s'évanouir. Mais, oh là, que t'arrive-t-il? Cela t'ennuie donc que je t'ai fiancée? Non, monsieur. Sais-tu qui est ton fiancé? Oui, monsieur. Quoi? Tu le sais qui te l'a dit? Non, monsieur, je sais pas. Veuillez m'excuser, père, je sais même plus ce que je dis. Ma petite, pauvre innocente. Vous voyez comment elle a été élevée? S'il savait. Oh, j'en meurs de peur rien qu'à l'idée. Très bien. Apprenez que le fiancé de ma fille Lucietta est Filippetto, le fils de sieur Maurizio. Filippetto? Oui, le neveu de Sierra Marina. Est-ce possible, mon neveu? Oh, que nous dites-vous là, mon cher? Voilà qui me plaît beaucoup. Ça, vous ne pouviez pas mieux trouver. À quand le mariage? Aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui, mesdames. Aujourd'hui, à l'instant même. Sieur Maurizio est parti chez lui prendre son fils. Il le ramène ici, nous dînons ensemble, et tout de suite après, le mariage. Pauvre de moi. Si vite, mais pourquoi cela? C'est décidé. Pourquoi faire traîner les choses? J'en tremble jusqu'aux os. Mais Lucietta, qu'as-tu donc? Moi, rien. Enfin vous voilà, cher ami. Oui, me voilà. Mais, et le fils? Qu'avez-vous? Je suis hors de moi. Et pourquoi? Et le fils? Je suis retourné à la maison pour le chercher. Je l'ai trouvé nulle part. J'ai tourné, questionné, interrogé. On m'a dit qu'on l'a vu sortir en compagnie d'un certain sur Ricardo, ou quelque chose comme cela. Qui serait là un ami de Sir Félix. Oh. Qui est ce monsieur Ricardo? Un étranger? Et qu'a-t-il à voir avec mon fils? Que sais-je? Je ne suis pas chargée de garder votre fils. Quant à l'étranger, c'est un gentilhomme tout à fait honorable. N'est-ce pas, monsieur mon mari? Moi? Ah, je ne sais rien sur lui. Même pas qu'il a envoyé. Il est arrivé le dernier en date, la bouche fleurie, la jambe ronde, l'échine souple et la main courante. Oh. Jusqu'à maintenant, je me suis tue. Mais pour vous faire plaisir, ma femme, qu'ai-je fait? Et pour ne pas vous entendre crier, j'ai retenu ma bile, avalé des couleuvres, bu des calices. J'ai même été à l'opéra. Et de ce pas, je le déclare tout net, je n'en veux plus chez moi. Oui, madame, parfaitement, cet homme, enfin, sûrement quelques sergents recruteurs. Monsieur, je vous prie de parler autrement d'un gentilhomme. Dans ma maison? Où est mon fils? Là. Dans la chambre? Misérable, où es-tu? Oh, mon père, pardon. Oh, pitié, mon père, miséricorde. Mon cher mari, je ne sais rien, vrai, mon cher mari. Toi, ma femme, tu me le paieras. Ah, au secours. Retenez-le. Arrêtez-le. Calmez-vous. Oui, chez petite canaille. Oh, venez ici, petite escervelée. Hors d'ici. Par ici. Le réglons-le à la maison. Tout cela est de votre faute. La pauvre. Je suis au désespoir. Et sors d'ici, garde-moi. Oh, maudit le jour où j'ai franchi le porche de cette maison. Oh, quelle histoire, quel tumulte, mon pauvre neveu, la pauvre fille. Pauvre de nous. Dans quelle situation m'avez-vous mis, madame? Êtes-vous gentilhomme? Je me pique de l'être. Alors venez. Dans quel dessein? Je suis une femme d'honneur, j'ai fait une faute, je veux réparer. Mais comment? Mais comment? Si je vous le disais, la comédie serait finie. Venez. Chez Lunardo, d'honneur qu'il s'agit. Il faut bien dire la chose comme elle est. Il s'agit de la réputation de ma maison. Vous rendez-vous compte? Avec ma situation? Mais calmez-vous, cher collègue, calmez-vous. Après tout, mon cher, vous n'y êtes pour rien. Rien de rien. Tout ça, c'est la faute des femmes, comme toujours d'ailleurs. Eh bien, châtiez-les et tout le monde applaudira. Ouais, parfaitement. Il n'y a pas de doute, il faut faire un exemple. Et il faut rabattre l'orgueil de ces femmes, voilà. Qui relèvent la tête. Car elles relèvent la tête. Et laissez-les dire et crier que nous sommes des rustos et des ours. Non, tout cela, c'est la faute de ma femme. Eh bien, châtiez-la. Et ma sotte de fille, oiseau sans cervelle qui nous emboîte pas. Punissez-la. Il faut l'humilier. Et votre femme? Sur Canciano, qui leur prête la main. Je la châtirai. Il le faut. Et la vôtre. Complice, elle aussi. Oui. Mais elle me le paiera, hein. Elle ne paie rien pour attendre. Mes chers amis, de tout cela, il faut que nous discutions. Oui. Il faut nous concerter. C'est là une affaire d'importance, disons la chose comme elle est, c'est là une affaire grave. Avec ces femmes, telles qu'elles sont, dites-moi, examinons, que pouvons-nous faire? C'est là toute la question. Oui. Pour la petite, pas de difficulté, j'ai pensé, j'ai réfléchi et j'ai pris ma décision. Premièrement, plus de mariage au couvent. Je l'enferme loin du monde, entre quatre murs, et on n'en parle plus. Ah, mais... Bien. Voilà qui parlait. Mais les femmes, comment les punir? Voilà la question, votre avis. En effet, c'est là tout le problème. Comment les punir? Au premier abord, je l'avoue, la question m'embarrasse un peu. Il n'y a vraiment pas de quoi. Une femme nous mettre dans l'embarras? Je voudrais bien voir ça. Vous avez donc une solution? Moi? Oh, évidemment. Laquelle? On pourrait les enfermer. Elle aussi. Entre quatre murs. Dans un endroit retiré. Ainsi, nous en serions débarrassés. Les enfermer, disons la chose comme elle est, ce serait là un châtiment plus pour nous-mêmes que pour elles. Sans parler de la dépense, les frais à payer, la pension, le trousseau, etc., etc. Ah, mais il y a des endroits... retirés. Oh, si retirés soient-ils, vous pouvez leur faire confiance, elles trouveront toujours moyen de s'en tirer. Où que ce soit, elles trouveront plus de liberté, d'occasion de se divertir qu'à la maison. Cette punition serait une récompense pour elles. Un ennui et une dépense pour nous. N'ai-je pas bien parlé? Ah, tout à fait. Vrai surtout pour votre femme et la mienne. À qui nous ne laissons pas la bride sur le cou, ainsi que le fait Sieur Canciano. Que voulez-vous que je vous dise? Vous avez raison. Mais il faut chercher ailleurs qu'ailleurs. Oui. À la maison. Voilà. Nous pourrions les garder à la maison. Les enfermer, oui, mais à la maison. Dans une chambre qui boucle bien. Enfermer des femmes, sans parler, mais vous les faites mourir en trois jours. Tant mieux. Tant mieux. Bon débarras. Ah, doucement. Il faudra en prendre une autre. Il serait peut-être pire encore. Si c'est possible. Avec les femmes, le pire est toujours possible. Et comment faire pour s'en passer? Et puis, il y a la famille. Il faut épouser que des orphelines. Il y en a peu qui aient une dot convenable. Que des parents viennent la voir, difficile à empêcher. On crie au scandale, à la séquestration. On met le monde sans dessus-dessous. Vous voilà contraint à la libérer, voire même à s'excuser. Non, tout bien examiné. La seule solution, disons la chose comme elle est, c'est un bon gourdin. Pardi, oui, un bon gourdin. Et laissez crier les autres. Oui, un bon gourdin. Oh, quel beau rêve. Oui, oui, mais si elles aiment ça... Allez, drôlesse, c'est pas exclu. Mais si elles se révoltent contre nous... Ce n'est pas impossible. Oh, je sais de quoi je parle. Alors, quelle situation que la nôtre. Si c'était une solution. Mais regardons les maris qui battent leurs femmes. Il y en a, ah oui, des courageux. Mais croyez-vous que pour autant ils les domptent? Pas du tout. Elles en profitent pour crier aux martyrs. Il y a toujours quelqu'un pour les écouter. Ou alors, il faut carrément les assommer. Sinon, c'est sans issue. Oh, les assommer tout de même. Cela ne me semble guère possible. Hein? Bien sûr, c'est délicat. Et puis, il faut le reconnaître, on a beau tourner la chose dans tous les sens. Nous ne pouvons pas nous passer de femmes. Mais l'ennui, c'est qu'elles le savent. Quel plaisir ne serait-ce pas d'avoir près de soi une petite femme douce, gentille, obéissante. Muette. Dire que j'ai connu cela. Oh. Ma première femme était à deux agneaux. Et maintenant, celle-là est une vipère. Que dirais-je avec la mienne qui n'en fait qu'à sa tête et de plus, me démontre sans se démonter qu'elle a raison, alors qu'elle me contredit. Et moi donc, avec ma femme, je crie, je tonne, je hurle, et je n'arrive à rien. Pauvre de nous, les hommes. Nous sommes des malheureux. Mais il faut dire la chose comme elle est, c'est un malheur supportable. Oh. Cependant, attention, dans le cas présent, il faut punir. Je voudrais une solution. Et je n'en trouve pas. Renvoyez-la à sa famille. Oh, bonne idée pour qu'elle me tourne en ridicule. Ouais. En exil, à la campagne. Pire encore, elle y croquerait tous mes revenus en quelques jours. Faites-la raisonner par quelqu'un qui lui rappellera les devoirs de l'épouse, qui la sermonnera et la fera rentrer dans le droit chemin de l'obéissance et le respect. Oh, elle n'écoute personne. Ah, mettez sous clé ses bijoux, ses belles robes, ses dentelles et fanfreluches. Tout cet inutile qui leur est indispensable et que nous leur dispensons sottement, sans contrepartie. Usé. J'ai déjà essayé. C'est pire que tout. Ça crée ou ça boude ou ça fait la grève. La grève de... oui. Ah oui. Oh, la femme qui a mal à la tête. Rien de pire. Mal à la tête, une femme? Et à volonté. Comble du paradoxe. Mais alors, c'est vu et entendu. Ainsi, faites comme moi. Ah, vous m'inquiétez. Qu'est-ce à dire? Prenez-la comme elle est. J'ai comme dans l'idée qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ah, hélas, il y a longtemps que j'ai compris cela. Allez, je vois bien que les choses étant ce qu'elles sont et ma femme ce qu'elle est, il faut le reconnaître, c'est sans remède. Mais le coup qu'elle vient de me faire, ça c'est trop, c'est vraiment trop. Et disons la chose comme elle est, trop c'est trop. Enfin, me dévoyer ma fille, cette colombe innocente et pure, introduire son amoureux dans la maison. Vous allez me dire que je voulais lui faire épouser, d'accord? Mais que savait-elle de mes intentions? Rien! Eh oui. Elle n'en savait rien! S'il fallait leur confier tout, comment changer d'avis et peser le pour et le contre? Et ce monsieur... Et qui plus est masqué, et qui plus est le comble déguisé... Et qui plus est, incroyable mais vrai, déguisé en femme. L'inimaginable imaginé. Je n'y tiens plus, il faut que je la punisse, que je la châtie même. Disons la chose comme elle est, si cela doit entraîner ma propre perte. Et tout cela par la faute de Sciorra Felice. Oui, parfaitement. Tout cela est la faute de votre écervelée de femme, Canciano. Vous avez raison, c'est ma foi vraie. Et elle me le paiera. Votre servante, messieurs, et merci de vos bons sentiments. Que faites-vous ici? Mais que voulez-vous, chez moi? Sûrement une jolie comédie organisée, telle que je vous connais. Votre étonnement de me voir ici m'étonne. Auriez-vous préféré que je sois partie, et sans doute, monsieur mon mari, avec l'étranger? Ah ben, si jamais je vous revois avec cet individu, je vous ferai voir comment je m'appelle. Mon pauvre ami, suis-je jamais sortie sans vous? Ah ben, ce serait le comble! L'ai-je jamais reçu en votre absence? Il ne manquerait plus que cela! Alors pourquoi pensiez-vous donc que j'étais partie avec lui? Parce que vous êtes une femme, et donc une écervelée. Ouais, il fait le dur pour la galerie. Regardez-la, elle a peur. Il fait bien de montrer les dents. Il suffit! Allons, madame! À la maison! Allons, monsieur, un peu de calme. Oh, je n'en reviens pas que vous ayez le front de reparaître ici. Et pourquoi donc ne reparaîtrais-je pas? Qu'ai-je donc fait? Non, mais croyez-moi, ne m'en faites pas dire davantage! Mais pourquoi pas? Parlez donc. Allons-nous-en. Non, monsieur. Non, venez, ou bien par tous les diables! Par tous les diables! Par tous les diables! Moi aussi, je peux en dire autant. Et que le ciel vous patafiole, ventre saint-gris, corne gidouille, c'est pas malheur. Mais que croyez-vous, monsieur? Suis-je votre esclave? Ou bien une étaillire? M'avez-vous ramassé dans le ruisseau? Ou bien épousé par pitié? Est-ce ainsi qu'on s'adresse à une femme de la bonne société? À son épouse? Monsieur, à son épouse? Je suis votre femme, monsieur. Certes, vous pouvez me donner des instructions, voire même des ordres. Vous avez le droit de commander. Mais il y a la manière. La manière, monsieur, c'est tout. Sinon, l'essentiel, lorsqu'on parle à une femme. Et moi, je ne me laisserai pas marcher sur les pieds, vous le savez. Alors ne l'oubliez pas. Moi, je n'oublie pas le respect que je vous dois. Vous n'oubliez pas celui que vous me devez. Jamais, depuis notre mariage, vous ne m'avez parlé ainsi sur ce ton. Que signifient ces menaces et cette main levée? Des menaces. À moi. À une femme comme moi. Quelle mouche vous a piqué? Ces messieurs vous ont-ils donc monté le coup? Dites-le tout de suite. Ah, les bons bourgeois, de bons conseils. Vraiment, de traiter ainsi son épouse. Ces mufleries ne viennent pas de vous, ce n'est pas croyable. Je veux croire qu'on vous les a soufflés. Oh, vous avez la réputation d'un homme courtois, bien élevé. Vous êtes, vous, un bourgeois vénitien de la classe des cittadini. N'est-ce pas se compromettre pour un magistrat de votre sorte que d'adopter ainsi les mœurs grossières des petits marchands lourdeaux et mal embouchés, passant leur humeur sur leur pauvre moitié qui n'en peuvent mais. Cet homme bien élevé que vous êtes, qu'il se comporte donc comme tel? Si j'ai commis une faute, reprenez-moi, mais sans vous abaisser à ces violences et à ces grossièretés, par tous les diables. Je n'en veux pas. On ne se conduit pas ainsi dans notre monde. M'avez-vous bien comprise? Sieur Canciano, soyez raisonnable. Si vous voulez que votre femme le soit aussi. Non, mais vous l'avez entendu? J'ai une de ces envies de la prendre par la tignasse. Ce bonhomme, hein? Ce petit marchand lourdeau. Eh bien, Sieur Canciano, point de réponse? Que le plus sage prenne la parole. Une phrase digne de Cicéron, en vérité. Qu'en pensez-vous, messieurs? Chère madame, je vous en prie, ne me poussez pas à parler. Quoi? C'est pour que vous parliez? Je suis venue tout exprès. Je sais bien que vous plaignez de moi, mais au lieu de grogner par derrière, dites-moi donc l'objet de vos récriminations. Mais je suis tout oui. Qu'avez-vous donc à me reprocher? Prenez-vous-en à moi et non à mon mari qui n'en peut mais. Exposez-moi les raisons de vos griefs. Vous savez bien que je ne suis pas si sotte que vous le dites de la moyenne des femmes. Lesquelles, d'ailleurs, personne ne vous a obligé à épouser, soit dit entre parenthèses. Pourquoi convoler avec des idiotes, messieurs les génies faits hommes? S'il n'y a pas de femme qui arrive à votre cheville, repoussez l'embryon d'un coup d'œil et restez célibataire. Quant à moi, que monsieur a daigné épouser, je crois pouvoir dire que je suis une femme juste, même quand je parle. Donc, messieurs les hommes, du haut de votre trône ou de votre perchoir, dites-moi vos griefs. Si j'ai tort, vous me voyez prête à réparer. Mais messieurs les marchands, foin de dépiper! Gardez-vous donc de semer la zizanie dans un ménage. M'adresse à vous deux, sieur Lunardo. Et sieur Simon, et je vous le dis franchement, je suis une femme d'honneur, forcément, puisque je suis l'épouse de sieur Canciano. Oui. Si vous avez quelque chose à dire, eh bien dites-le. J'attends toujours. Dites-moi, chère madame, qui a fait venir Filippetto dans ma maison? Moi et personne d'autre. Félicitations, toutes mes félicitations. La ruse est bien ourdie. Félicitations, vous pouvez être fière de vous. Vous avez réussi là un bon coup. Ah, oui. Je ne suis pas fière de moi. Je suis pas honteuse non plus, quoique je convienne que j'aurais mieux fait de ne pas le faire. Mais messieurs, les porte-clés, ce n'est pas là une mauvaise action. Ce n'est même pas un beau coup, sieur Simon, c'était trop facile. Qui vous a donné permission de le faire venir? Votre épouse. Oui. Margarita? C'est elle qui vous l'a demandé. Est-elle allée vous en prier? Non, monsieur, c'est Marina. Ma femme? Oui, monsieur, votre femme. Oh. Mais alors, elles en sont toutes? Et l'étranger? C'est d'elle l'idée de lui faire prêter son concours à la mascarade? Non, le comte, c'est moi. C'est vous qui l'avez fait venir? Oui, c'est moi. Mais enfin, pourquoi? Et de quel droit? Pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et patati et patata? Je vais vous le dire. Et ne m'interrompez pas tout le temps de vos grognements d'ours mal léchés. Si j'ai tort, j'ai tort. Oui. Mais si j'ai raison, alors j'ai raison et je veux avoir raison. Même si cela semble exorbitant à Venise et en plein carnaval. En un mot, comme en mille, et à titre de préambule, vous êtes des rustres et des sauvages. Vous sursautez tout de suite, on peut rien dire. Examinez avec un peu de sang-froid, puisqu'apparemment vous êtes à jeun. Vos façons d'agir avec vos femmes, votre fille, sans parler des soubrettes et autres servantes. Elles sont tellement extravagantes, incroyables et absurdes, abracadabrantes et extraordinaires que jamais, au grand jamais, vos femmes ne pourront vous aimer, vos filles idem. Et la domesticité y tout. Résultat, je vous le demande. Taisez-vous, mon mari. On vous obéit par force. On se laisse brimer en attendant que ça passe. Comment croyez-vous que toutes celles que la loi oblige à supporter, qui, un époux, qui, un père ou un maître, vous considèrent, oui, vous le savez, mais je vais quand même vous le dire, comme des rustos, des sauvages, et ce qui est pire, des fossiles, et ce qui est pire encore, des argousins. Non, il faut dire la chose comme elle est, ce mot est trop dur. Il faut dire les faits, non pas les choses comme ils sont. C'est fait, sieur Lunardo. Vous vouliez marier votre fille, que faites-vous? Consultez-vous votre épouse, jeune, mais déjà mûre, avec un tel époux, et l'intéressée? Non, vous ne les consultez pas. Non. Vous ne dites rien à personne, bouche cousue. Personne ne doit le savoir. Pourquoi? Secret d'État, né ni combinazione, speculazione, rien. Fait du bourgeois resté au siècle dernier, que dis-je? Au Moyen-Âge, madame... elle, l'intéressée, pour qui toute l'existence est engagée par ce choix paternel, elle surtout, ne doit rien savoir, ne doit rien voir, ni personne, et surtout, pas l'homme qui, pour toute sa vie, sera son seigneur et maître. Pourquoi cette cachotterie, je vous le demande? Est-il laid, mais riche, bossu, mais cossu? Point. Le choix est bon, le choix est excellent. Il est jeune, beau, pas sot, de bonne famille, de fortune honnête, fils d'un ami. La fille est-elle un laidron, tordue, méchante? Nanny. Elle est jolie, fine, bien élevée, spirituelle, quand on lui donne la parole. Et je suis sûre que vous la dotez généreusement. Pourquoi cette cachotterie? Mais madame... Trouvez-vous juste, vous, le père, le bon papa grognon, mais bon cœur, de mettre à votre petite fille chérie la corde au cou, de lui dire « prends ce qu'on te donne » ou pire, c'est à prendre ou à laisser, circonstance aggravante. Mais madame... Vous n'avez qu'une fille. Et vous envisagez comme ça, de gaieté de cœur, de la sacrifier. Mais parce que le futur vous convient, ou plutôt parce que le père du futur vous agrée. C'est le dernier fils d'ours vacant. Et les intérêts du commerce ne sont pas concurrents, on sait bien même qu'ils sont complémentaires. Pourtant, le choix est bon, le jeune homme est beau, gentil, bien tourné, aimable, un peu bébête à cause du papa ours. Mais le mariage arrangera cela avec l'amour. Un garçon pareil, bien sous tout rapport, doit plaire à votre fille, ou elle risque. Et même s'il y en a un, ne vaut-il pas la peine de le courir? Car plaira-t-il? L'amour est aveugle, mais la Vierge est clairvoyante, cette année surtout. Et s'il ne plaît pas, votre fille n'est jamais sortie de cette maison, de cette prison. Mais une prison comme celle-ci? Un palais aux serrures fermées est toujours une prison. Vous offrez, que dis-je, vous imposez à votre fille le fils d'un ours presque aussi ours que vous. Quelle vie va-t-elle avoir en quittant cette maison grillagée pour celle du beau-père au volet toujours clos? Je vous le demande, mais c'est inutile de me répondre. Nous comprenons, nous sommes d'accord. Donc, j'ai fait œuvre pie en permettant à ces deux enfants de se voir et de tomber amoureux l'un de l'autre. Ils vivaient dans l'inquiétude de se marier. Ils sont maintenant dans la merveilleuse angoisse de ne pas se marier. Mais oui, j'ai bien fait. Et votre femme aussi, qu'il souhaitait, mais n'avait pas le courage de le tenter. Siora Marina s'en est remise à mes bons soins, le temps pressait, mon idée valait ce qu'elle valait. Peut-être n'était-elle pas la meilleure, mais j'en suis seule coupable. Si vous en voulez absolument un, qui ne soit pas vous. Connaissant vos opinions sur le carnaval, le masque n'était pas une idée de génie, j'en conviens. C'est moi aussi qui ai demandé au comte... Votre ami, de venir. Il fallait bien un chaperon. Alors ils se sont vus, ils se sont plus. Avec leur cœur neuf de jeunes gens frais et clos, ils sont heureux d'ores et déjà. Que vous faut-il de plus, vous, le père affectueux sous sa carapace? Vous devriez être tranquillisé, rassuré, joyeux. C'est vous qui auriez dû trouver le stratagème. En fait, donc, comme si cela était. Oui, j'ai interprété vos plus secrètes pensées, votre femme aussi. Comprenez-la. Elle n'a écouté que son cœur, entendant l'oreille. Remerciez. Bon, si c'est trop, soyez obligé à Siora Marina. Quant à moi, je peux vous assurer que je n'ai écouté que mon cœur. Si vous êtes des hommes, vous vous rendrez à mes raisons. Si des rustres, alors grand bien vous fasse. En tout cas, la fille est honnête et pure. Le garçon n'a rien fait de mal et ils sont tous deux honnêtement amoureux. Nous toutes, vos épouses, nous sommes des femmes honorables, attentives et muettes devant leur seigneur et maître. J'ai dit. La plaidoirie est terminée. Donnez votre consentement et veuillez excuser l'avocat. Ça fait du bien. Je crois que je les ai eus. La cause était bonne. Ça alors. Qu'en dites-vous, Sieur Simon? Comme vous. Idem. Si j'avais mon mot à dire... Vous l'avez. Si c'était ma fille... Si c'était... Si cela ne tenait qu'à moi, je crois... Vous croyez? Ah oui, je crois. Je ne voterai pas contre. Et pourtant... Pourtant? Je crains bien qu'il faille renoncer. Pourquoi? Et le père du garçon, mettez-vous à sa place. Pourquoi? Mais il faut dire la chose comme elle est. Et comment est-elle? Au père du garçon, le comte est allé parler. Le pauvre... Oui, le pauvre comte tombé dans cet imbroglio. Le pauvre diplomate a eu bien du mal à y comprendre quelque chose. Lui qui n'a affaire qu'à des hommes d'État, il tombe dans une république gouvernée par des marchands. Et ça marche? Pourvu que cela dure. Mais le comte est un honnête homme qui a pris à cœur de faire ce mariage qu'il croit défait par sa faute. Aux innocents, les bons accords, cela le changera un peu. Et puis, il a une épée bien trempée. Il se considère comme offensé, exige une réparation. Et pour un diplomate, c'est un homme avisé. Oh, c'est un soldat, il a les idées simples. Il parle bien. Sieur Maurizio se laissera convaincre. Et nous, que faire? Mon cher ami, je crois qu'en notre sagesse, bien modeste, d'homme d'affaires, nous avons trouvé une solution. Nous aussi. Je la crois bonne. Prendre les choses comme elles viennent. C'est sa femme qui lui a appris cela. Mais l'affront... L'affront? Quel affront? Du jour où ils sont mariés, il n'y a plus d'affront. Cher ami Lunardo, ma femme, certes, a ses faiblesses, oui. Mais pour dire la chose telle qu'elle est... Il lui arrive même assez souvent, à mon grand étonnement, d'être une femme de bon sens. N'est-ce pas, Sir Conciano? Je ne lui fais pas dire. C'est d'ailleurs très fatigant. Mais alors que faire? D'abord, dîner. Ah, c'est vrai! Nous l'avions oublié. Notre hôte est un homme avisé. Le repas a été remis à plus tard, mais le rôt n'est pas brûlé et la sauce mijote comme il faut. Alors, à table! Ce qu'il faut, Sir Lunardo, pour que nous dînions l'âme en paix, l'esprit tranquille. Oui, madame. C'est faire venir votre femme et votre fille. Dites-leur quelque chose, vous ronchonnerez un peu, comme d'habitude, mais pour en finir. Mais madame... Attendons le comte et dès l'arrivée de Filippetto, affaire conclue. Mais ma femme et ma fille venir ici maintenant, je ne pourrais me contenir, je le crains. Eh bien, ne vous contenez pas. Mais... Allons les chercher. Ma femme aussi. Ah aussi, bravo, j'y vais, attendez ici. Thank you. Eh bien, on peut dire que votre femme a un sacré débit. Vous ne me croyez pas. Je vous l'avais bien dit. Vous avez vu, ou plutôt, vous avez entendu. Ah, ça oui. Alors ne venez plus me traiter de Benet quand je me laisse convaincre. Ah, diable de femme. La manière change, mais elles y arrivent toujours. Ouais, comme on ne peut pas les empêcher de parler. Elles ont toujours raison. Les voici. Ah. Regardez-les, contrites et repentantes, les yeux baissés, les mains jointes. Les voici venant vous demander pardon. Margarita, je lis tout en vérité que vous me jouez elle là. Elle n'y est pour rien, tout est de ma faute. Ouais, petite écervelée, louchette. Hein. Tout est de ma faute, elle n'y est pour rien. Je... À moi, c'est à moi qu'il faut vous adresser, c'est moi qui réponds. Oh, pandarde, des hommes dans ma maison, des amoureux, cachés dans les chambres quand j'y songe. C'est à moi qu'il faut vous en prendre, puisque c'est ma faute. Oh. Monsieur Raffelice, que leur avez-vous dit pour que les choses soient si vite arrangées et si bien? Oh, vous aussi, madame. Vous mériteriez votre part de la mercuriale. C'est bon. Puisqu'il en est ainsi, je m'en vais. Non, restez donc. Ce pauvre sieur Lunardo avait encore dans un coin une panne de colère. Il fallait bien que cela sorte. Eh bien, voilà, c'est sorti. Ouais. Ouf. Ceci dit, ceci fait, il vous excuse, il vous pardonne, il vous absout. C'est un bon mari, c'est un bon père. Plus de foudre, plus de tonnerre, c'est le beau fixe. Et si le jeune homme arrive, il vous donne son consentement au mariage, n'est-ce pas, sieur Lunardo? Oui, madame. Oh, mon cher mari, si vous saviez par quelles angoisses je suis passée, je tournais, je virais, quoi faire, quoi dire, quoi taire? Quoi? Ne rien taire, il faut tout dire à son époux. Ou presque. Comment vous convaincre, retrouver votre confiance? Car je ne savais rien, croyez-moi, lorsque ces masques sont venus. C'est presque vrai. Moi, sachant vos principes à ce sujet, je ne voulais pas les laisser entrer. C'est justement cela. La vérité, c'est ce qu'on vous demande de dire. Croyez-moi, ce n'est pas moi, c'est... Eh bien, dites-le, c'est moi. Au diable, la vérité, c'est qu'importe. À vous, Lucietta. Quoi? Dites-lui quelque chose. Mon père. Taisez-vous. Que disiez-vous? Je vous demande bien sincèrement pardon, mais vraiment, je n'y étais pour rien. Oui, puisque je vous dis que c'est moi, pour tout, c'est moi. Ah, serait-ce... Mon fiancé? Comment? Qu'est-ce? Des hommes encore dans ma maison? Allez, retirez-vous, mesdames. Pressez-vous, retirez-vous. Ça, alors, je vous demande un peu, voulez-vous me dire une fois encore ce que nous faisons de mal? Craignez-vous que ces hommes nous croquent? Mais laissez donc entrer. Mais est-ce vous qui commandez ici? Oui, c'est moi qui commande. Que fait donc cette fille? L'étranger, je ne vais pas le voir. S'il entre, je sors. Mais pourquoi? C'est un honorable gentil. Peu importe, je ne vais pas. Ma femme et ma fille n'ont pas l'habitude de voir qui que ce soit, gentilhomme ou pas. Eh bien, pour une fois, elle se prend une raison. Prêtes à tous les sacrifices, n'est-ce pas? Oh, oui. Serviteur. Sieur Maurizio. Madame. Vous avez été mis au courant de la façon dont les choses se sont passées. Oui, madame. Mais ce qui importe, ce n'est pas ce qui s'est passé, mais ce qui va avoir lieu. Que dit Sieur Lunardo? Il faut dire la chose comme elle est. Je dis que les fils bien élevés ne se promènent pas masqués, ne s'attaquent pas aux femmes, ne s'introduisent pas, disons la chose comme elle est, dans la maison d'une jeune fille de bonne famille. Monsieur, vous avez raison. Allons-nous-en. Lucietta. Lucietta, cesse ces pleurnicheries. Écoutez-moi sérieusement, sieur Lunardo. Je vais vous dire franchement et brutalement, veuillez m'en excuser, ce que je pense. Il faut dire la chose comme elle est. Je vous le dis, c'est une honte. Quoi? Êtes-vous un homme, ou un enfant, ou une grande coquette? Oh, vous dites madame... blanc, vous dites noir, vous dites oui, vous dites non. Vous tournez comme une girouette. Mais enfin, que signifient ces procédés? N'avez-vous pas promis votre fille? N'avez-vous pas signé le contrat? Que s'est-il passé? A-t-elle été enlevée, séquestrée? A-t-on déshonoré votre famille? Mais madame... voilà des grimaces. Allez-vous nous bouder ainsi longtemps? À moi aussi, je voudrais dire mon mot, c'est figurez-vous. Ça, c'est ça. Oui, c'est monsieur, à moi aussi, cela fort déplu de voir venir ce garçon. Mais si vous lui donnez la main de votre fille, tout n'est-il pas réglé, fini, terminé? Margarita, jusqu'à un certain moment, je vous ai laissé dire et laissé faire, mais maintenant, la mesure est comble. Et moi, sa belle-mère et votre épouse, je le dis fermement, il faut qu'il la prenne. Il faut que Filippetto épouse Lucietta. Qu'il la prenne, qu'il l'épouse, qu'il se débrouille, qu'il se dépêche. Moi, j'en ai assez. Je ne vais plus en entendre parler. Non, vous n'allez pas les marier dans cette colère. S'il est en colère, tant pis pour lui. Après tout, ce n'est pas lui qui convainc. Mais alors, monsieur, vous permettez qu'ils se donnent mutuellement la main? Un instant. Que passe ma colère? Oui, mon cher mari, je vous comprends. Je vous connais bien, je sais votre caractère. Je sais que vous êtes un homme de bien, que vous aimez votre famille, que vous avez un cœur d'or. Oui, oui. Mais je oui. sais aussi que vous êtes très susceptible et, permettez-moi de vous le dire, trop sévère pour notre temps. Mais madame... En la circonstance, il faut le reconnaître, c'était à juste titre. Mais en fin de compte, tant votre fille que moi-même, nous vous avons demandé pardon. Oui. Et figurez-vous, en arriver là pour une femme, c'est quelque chose et c'est beaucoup demandé. Si je l'ai fait, mon ami, c'est que je vous aime, monsieur mon mari, et que j'aime votre petite Lucietta. Mais oui, Allons, faites comme vous le désirez au fond de votre cœur, faites le bonheur de votre fille. Retrouvez ainsi la paix et par là même, vous sauvez la réputation de votre maison. Margarita, quant à moi, si je vous ai déplu et si vous estimez que je ne mérite pas votre amour... Vous me voyez prête et résignée. Il adviendra de moi ce que mon mari décidera. Mon bonheur ou mon malheur. Oh, ma mère, ma chère petite maman, soyez bénie. Je vous demande pardon de tout ce que j'ai pu dire ou faire. Elle me fait pleurer, moi aussi. Vous le voyez bien, sieur Lunardo, quand elles s'y prennent ainsi, comment leur résister? Bonne ou mauvaise manière, c'est idem. La femme fait ce qu'elle veut. Alors, sieur Lunardo, allons, au fait. Attendez! Oh, quelle heure. Lucietta. Mon père ? Viens ici. Je viens ? Ah, veux-tu te marier ? Ben allons, réponds quand je t'interroge. Je te demande, veux-tu te marier ? Oui, père. Oui, père. Tu l'as vu, ton fiancé ? Oui, père. Cher Moridio. Qu'y a-t-il ? Allons, mon vieil ami, ne me répondez pas. Il faut dire la chose comme elle est, comme un vieil ours mal léché. Je dis tout de même au vieil ours. Que vous avez à lui dire. Ben, si vous ne faites pas d'objection, j'accorde à votre fils la main de ma fille. Il ne la mérite pas. Mon père. Vous jouez un tour pareil. Mon père. Je ne veux pas le marier. Pauvre de moi. Oh, mais vous n'avez pas de cœur. Très bon. Il a besoin d'être un peu secoué. Ouais. Viens ici. Voilà. Regrettes-tu ce que tu as fait? Oui, père, je vous l'assure. Fais attention à ce que je vais te dire. Je suis tout ouï. Même si tu te maries, je dis si. Tu te maries. Je veux ton obéissance pleine et entière, respectueuse. Marié ou pas, tu restes sous mon autorité, totalement. Certainement, mon père. Tu le jures? Je vous le promets. Venez ici, sur la Lucietta. Vous acceptez comme ma bru. Et toi, bandit, que le ciel te bénisse. Allez, allez, donnez-vous la main. Vive la joie! Allons, mes enfants, vive la joie! Il est grand temps de passer à table. À propos, cher ami, nous oublions ce pauvre comte, qui pour amour pour moi se morfond dehors. Vous paraît-il convenable de le renvoyer? N'est-ce pas lui qui s'est dévoué pour aller convaincre sieur Maurizio et le ramener ici? Est-il honnête d'agir de la sorte? Allons déjeuner! Invitez-le aussi. Non, madame. Encore vos manières de ruston. N'avez-vous pas compris que ce sont vos façons de sauvage qui sont la cause de toutes ces complications que nous venons de vivre? Mais madame... Ce sont elles qui vous rendent odieux, tous les trois. Car c'est à vous trois, les maris, que ce discours s'adresse, puisque sieur Maurizio a la chance d'être veuf. De grâce, soyez donc un peu plus humain, social. Mais... Examinez donc le comportement de vos épouses et soyez honnête vous-même, constatant qu'elles sont honnêtes, elles. Rendez-leur l'appareil. Ce comte étranger qui nous a été adressé par mon frère est un homme comme il faut, un gentilhomme de bonne souche, oui, et de parfaite éducation. Oh, c'est en le traitant, qu'ai-je fait de mal? J'aime la conversation, car il ne s'agit que de cela. Lui aussi. Vous pas, monsieur mon époux, vous parlez tout seul, sûr ainsi de ne pas être contredit. Nous causons donc, et fort agréablement et en toute innocence. Mon mari le sait bien puisqu'il y assiste et nous accompagne. Ah, alors pourquoi y assister, ronçon et grommelant? À l'opéra, vous dormez, tant pis pour le compositeur. Mais la musique n'est-elle pas un divertissement honnête? Bon. Et la loge, un lieu convenable avec son mari à son côté? Nos toilettes ne sont-elles pas, elles aussi, convenables? Oh, pour cela, ne les portons-nous pas afin de faire honneur à notre époux? Et pour son plaisir, nous ne ruinons pas le ménage. Notre intérieur est bien tenu, un peu de fantaisie ne nuit pas. Vous voulez vivre tranquille? Une seule recette. Soyez en bon terme avec votre femme. Il n'y a pas d'autre solution. Soyez des hommes. Mais pas pour nous déplaire, au contraire. Il nous faut la main de l'homme, mais pas celle du sauvage. Mais... Enfin, pas nous. Commandez, ne soyez pas des tyrans. Aimez, et vous serez aimés. Il n'y a pas à dire. Ma femme est une sacrée gaillarde. Filippetto, prenez-en de la graine. Eh bien, convaincu? Et vous? Il faut bien. Priez donc ce seigneur étranger de rester déjeuner avec nous. Ce n'est pas malheureux. Je l'appelle et puisse la leçon porter ses fruits. Le comte Riccardo salue les dames, et Lunardo qui répond juste ce qu'il faut, pendant que... Alors, mon neveu? J'ai bien entendu. Le programme de Sciorra Felice doit être la bonne recette. Moi, de toute façon, je suis contente. Si nous allions dîner, il est temps, n'est-ce pas? Les émotions donnent faim. Et si le cuisinier de Sciorra Lunardo, qui a bonne réputation, ne nous sert pas de l'ours, il n'y en aura pas à table. Nous sommes tous des gens apprivoisés, pas de rusto. Oui, madame. Nous sommes tous des amis, des gens de cœur et de bonne compagnie. Nous savons tenir notre place à table, nous allons manger et boire gaiement. Nous allons lever notre verre à la santé des fiancés, de ceux qui si courtoisement nous ont écoutés, qui ont souffert, qui ont compati et qui maintenant se réjouissent avec nous. L'ORTF et la Comédie Française viennent de vous présenter Les Rustres de Goldoni dans une adaptation de Claude Desprelles, avec le concours de messieurs Jean-Claude Arnaud Simon, Alain Pralon le comte Ricardo, Louis Arbessier Lunardo, Giorgio Dubert Maurizio, Yves Pignot Canciano, Bruno de Valder Filippetto et mademoiselle Albert Aveline, Margarita, Tania Torrance, Felice, Virginie Pradal, Lucietta, Aline Bertrand, Marina. Voici maintenant quelques extraits des mémoires de Goldoni, lus par Marcel Tristani. De retour à Paris, je regardais d'un autre œil cette ville immense, sa population, ses amusements et ses dangers. J'avais eu le temps de la réflexion, j'avais compris que la confusion que j'y avais éprouvée n'était pas un défaut du physique ni du moral du pays. Je décidai de bonne foi que la curiosité et l'impatience avaient été les causes de mon étourdissement et qu'on pouvait jouir et s'amuser à Paris sans se fatiguer et sans sacrifier son temps et sa tranquillité. J'avais fait en arrivant trop de connaissances à la fois, je me proposais de les conserver, mais d'en profiter sobrement. Je destinais mes matinées au travail et le reste du jour à la société. J'avais loué un appartement sur le Palais Royal. Mon cabinet donnait sur ce jardin qui n'avait pas la forme et les agréments qu'il a aujourd'hui, mais qui offrait à la vue des beautés que quelques-uns ne cessent de regretter. J'avais beau être occupé, je ne pouvais me passer de donner de temps en temps un coup d'œil à cette allée délicieuse qui rassemblait à toute heure tant d'objets différents. Je voyais sous mes fenêtres les déjeuners du café de foie où les gens de tout âge venaient se reposer et se rafraîchir. J'avais devant moi ce fameux marronnier que l'on appelait l'arbre de Cracovie autour duquel les nouvellistes se rassemblaient, débitant leurs nouvelles, traçant sur le sable avec leurs cannes des tranchées, des camps, des positions militaires et partageant l'Europe à leur gré. Ces distractions volontaires m'étaient utiles quelquefois. Mon esprit se reposait agréablement et je revenais au travail avec plus de vigueur et plus de gaieté. Il s'agissait de mon début. Je devais paraître sur la scène française avec une nouveauté qui répondit à l'opinion que ce public avait conçue de moi. Les avis de mes comédiens étaient toujours partagés. Les uns persistaient en faveur des pièces écrites, les autres pour les canevas. On tint une assemblée sur mon compte, j'y étais présent, je fis sentir l'indécence de présenter un auteur sans dialogue, et il fut arrêté que je commencerais par une pièce dialoguée. J'étais content, mais je voyais de loin que les acteurs qui avaient perdu l'habitude d'apprendre leur rôle m'auraient, sans malice et sans mauvaise volonté, mal servi. Je me vis contraint à borner mes idées et à me contenir dans la médiocrité du sujet pour ne pas hasarder un ouvrage qui demanderait plus d'exactitude dans l'exécution. Me flattant que je les amènerais peu à peu à cette réforme à laquelle j'avais conduit mes acteurs d'Italie. Je composai donc une comédie en trois actes intitulée « L'amour paternel » ou la suivante reconnaissante. Elle n'eut que quatre représentations. Je voulais partir sur le champ, mais pouvais-je quitter Paris qui m'avait enchaîné? J'avais un engagement pour 2 ans, j'étais tenté d'y rester. La plupart des comédiens italiens ne me demandaient que des canevas. Le public s'y était accoutumé, la cour les souffrait. Pourquoi aurais-je refusé de m'y conformer? Allons, dis-je, faisons des canevas s'ils en veulent. Tout sacrifice me paraît doux, toute peine me paraît supportable pour le plaisir de rester 2 ans à Paris. On ne peut pas dire cependant que les amusements m'aient empêché de remplir mon devoir. Je donnais, dans l'espace de ces 2 années, 24 pièces dont les titres et les succès, bons ou mauvais, se trouvent dans l'almanach des spectacles. 8 de ces pièces restèrent au théâtre et me coûtèrent plus de peine que si je les eusse écrites en entier. Je ne pouvais plaire qu'à force de situations intéressantes d'un comique préparé avec art et à l'abri des fantaisies des acteurs. Je réussis plus que je ne croyais, mais quel que fût le succès de mes pièces, je n'allais guère les voir. J'aimais la bonne comédie et j'allais au Théâtre Français pour m'amuser et pour m'instruire. J'avais mes entrées à ce spectacle. On m'avait fait l'honneur de me les offrir à mon arrivée à Paris. C'était d'autant plus flatteur pour moi que personne n'aurait cru que je parviendrais un jour à entrer dans le répertoire de leurs auteurs. Je trouvais ce spectacle de la Nation également bien monté pour le tragique et pour le comique. Les Parisiens me parlaient avec enthousiasme des acteurs célèbres qui n'étaient plus. On disait que la nature avait cassé les moules de ces grands comédiens. On se trompait. La nature fait le moule et le modèle et l'original à la fois, et elle les renouvelle à son gré. C'est l'ordinaire de tous les temps. On regrette toujours le passé, on se plaint du présent. C'est dans la nature. Pouvait-on désirer 2 actrices plus accomplies que Mademoiselle Duménil et Mademoiselle Clairon? L'une représentait le naturel dans la plus grande vérité, l'autre avait poussé l'art de la déclamation au point de la perfection. Pouvait-on moins estimer, moins admirer dans la comédie la noblesse et la finesse du jeu de Madame Bréville et la naïveté charmante de Mademoiselle d'Auligny? Cette dernière a rendu un grand service aux femmes de son état. Elle leur a prouvé que les simples profits du spectacle peuvent assurer en France une retraite agréable et décente. Monsieur Lequin était un homme prodigieux. Il avait contre lui sa figure, sa taille, sa voix. L'art l'avait rendu sublime. Monsieur Brizard jouissait de tous les avantages de sa personnalité et du mérite de son talent. Monsieur Mollet jouait alors les amoureux. On a beau faire des comparaisons, on a beau remuer les cendres des anciens acteurs, je ne crois pas qu'il y en eût un dans ce genre plus brillant, plus agréable que lui. Noble dans la passion, vif dans la gaieté, original dans les rôles chargés, c'était un Protée toujours beau, toujours vrai, toujours surprenant. À l'égard de M. Préville, je vis d'abord que tout le monde lui rendait justice. Je n'entendis pas faire de comparaison sur son compte. Aussi est-ce un acteur qui n'a imité personne et que personne ne pourra jamais imiter. Notre siècle a produit 3 grands comédiens presque en même temps. Garrick en Angleterre, Préville en France, Sacchi en Italie. Le premier a été conduit au lieu de sa sépulture par des ducs et des pairs. Le second est comblé d'honneurs et de récompenses. Le troisième, tout célèbre qu'il est, ne finira pas sa carrière dans l'opulence. La première fois que j'allais à la Comédie Française, on y donnait le misanthrope et c'était M. Grandval qui jouait le rôle d'Alceste. Cet acteur très habile, très aimé, très estimé du public, avait fini son temps et s'était retiré avec pension. Au bout de quelques années, l'envie lui prit de remonter sur le théâtre et c'était ce jour-là qu'il reparaissait sur la scène. Il fut extrêmement applaudi à sa première entrée. On voyait le cas que le public faisait de lui, mais à un certain âge, spiritus promptus est caro autem infirma. Il ne restera pas longtemps à la Comédie Française. Quant à moi, je le trouvais excellent et je le préférais à bien d'autres à cause de sa belle voix. Mon oreille ne s'était pas encore familiarisée avec le langage français. Je perdais beaucoup dans les sociétés et encore plus au théâtre. Heureusement, je connaissais le misanthrope. C'était la pièce que j'estimais le plus parmi les ouvrages de Molière. Pièce d'une perfection sans égale qui, indépendamment de la régularité de sa marche et de ses beautés de détails, avait le mérite de l'invention et de la nouveauté des caractères. Les auteurs comiques, anciens et modernes, avaient mis jusqu'alors sur la scène les vices et les défauts de l'humanité en général. Molière fut le premier qui osa jouer les mœurs et les ridicules de son siècle et de son pays. Je vis avec un plaisir infini représenter à Paris cette comédie que j'avais tant lue et tant admirée chez moi. Je n'entendais pas tout ce que les comédiens débitaient, et encore moins ceux qui brillaient par une volubilité que je voyais applaudir, et qui était fort gênante pour moi, mais j'en comprenais assez pour admirer la justesse, la noblesse et la chaleur du jeu de ces acteurs incomparables. Ah, me disais-je moi-même, si je pouvais voir une de mes pièces jouée par de pareils sujets. La meilleure de mes pièces ne vaut pas la dernière de Molière, mais le zèle et l'activité des Français le feraient valoir bien plus qu'elle n'a valu chez moi. C'est ici l'école de la déclamation. Rien n'y est forcé, ni dans le geste, ni dans l'expression. Les pas, les bras, les regards, les scènes muettes sont étudiées. Mais l'art cache l'étude sous l'apparence du naturel. Je sortis du théâtre enchanté. Je souhaitais de deux choses l'une, ou de parvenir à donner une de mes pièces aux Français, ou de voir mes compatriotes en état de les imiter. Quelle était la plus difficile à voir réalisée? Il n'y avait que le temps qui pût décider de ce problème. Ainsi s'achève l'émission de la Comédie Française, au cours de laquelle vous avez pu entendre Les Rustres de Goldoni, dans une adaptation de Claude Desprelles, et quelques extraits de ses mémoires, lus par Marcel Tristany. Chef opérateur du son, Robert Lavoignat, collaboration technique, Liliane Houzel, bruitage, Jean-Jacques Noël, assistant de production, Jean-Claude Duval. Réalisation, Jacques Régnier. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 octobre 1974. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France à la rubrique « Des nuits de France Culture ».